quelqu'un qui est un élu, par quelle étape qui a dû passer pour en arriver où il est rendu finalement? Bon, disons que premièrement, le fait d'être un élu, c'est un mot qui est péjoratif, qui fait que suite à des élections, autrement dit, suite à un pouvoir électoral, dans le domaine de, disons, des mondes parallèles ou dans le domaine d'une énergie supérieure, tu vas devenir l'individu ou un individu faisant partie de ceux qui seront sauvés ou de ceux qui seront les bien-aimés, les bien-élus, ceux qui seront aimés par Dieu ou par les énergies supérieures. Qu'est-ce qui mène l'électorat? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment le karma. Disons que chaque parcelle de karma, positif ou négatif, devient un électeur en ce qui te concerne et eux autres vont donner le résultat, à savoir si oui ou non tu es un élu. C'est un des petits principes de l'électorat pour déterminer si un individu est un élu, donc un individu pour savoir si il va faire partie de ceux qui vont survivre à un apocalypse ou encore ceux qui vont siéger à la droite ou à la gauche, disons, de Dieu. C'est une petite partie et on s'est attaqué seulement à cette partie-là dans la religion catholique romaine, par exemple, où on parlait des péchés. Alors, ce qui fait que l'individu qui avait très peu de péchés et beaucoup de bonnes actions était un élu de toute façon. Bon, et vice-versa, c'est-à-dire que l'individu qui a énormément de péchés, pas beaucoup de bonnes actions, lui n'était pas élu ou était élu pour l'enfer. Maintenant, ce n'est pas le cas. L'individu n'arrive pas à faire partie d'une nouvelle race, une race céleste ou planétaire, seulement par le biais de ses bonnes actions ou de ses mauvaises actions. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre qu'une bonne ou une mauvaise action qu'un individu va faire lui est toujours suggérée par l'extérieur. Et l'individu n'ayant pas la possibilité de se manipuler lui-même, il reste donc assujetti à la manipulation de l'extérieur, ce qui fait qu'en réalité, l'élu n'est pas l'individu ou ce n'est pas l'individu qui va être jeté aux enfers, mais la forme d'astral psychologique qui l'aura manipulé. Ce qui fait que si c'est l'astral d'une société qui manipule des individus et qui, ésotériquement, très discrètement, les oblige à faire des actes qui seraient catalogués comme étant des péchés par différentes religions, ce n'est pas l'individu qui aura à souffrir, mais la société. D'où, évidemment, le phénomène du karma collectif ou du karma sociétaire. Maintenant, le titre de la conférence, ce n'est pas « Qu'est-ce qu'un élu? Que faut-il faire pour être élu? De quelle apparence auront les élus? » Mais c'est bien la race des élus. Et le mot « race » est aussi, sinon plus important que le mot « élu ». Si on parle de la race du Verseau, donc de la sixième race mère, la race bleue. Bleue, mais nous, on est la race blanche, mais on n'est pas blanc. Alors, si on regarde le blanc avec ma main, je suis extrêmement pur de race blanche, je ne suis pas blanc. La race bleue ne sera pas bleue non plus. Alors, si on remarque simplement l'idée même de la race, de la sixième race mère, présentement, l'homme, moi, je fais partie d'une race. La majorité des individus nord-américains font partie de la cinquième sous-race de la cinquième race mère ou de la sixième sous-race de cette cinquième race mère et certains font partie de la septième sous-race de cette cinquième race mère qui est la race blanche. Disons que chaque race mère, il y en a sept dans un plan évolutionnaire planétaire, chaque race mère est divisée en sept sous-races. Une race mère, disons que la première race mère a vu le jour sur le continent qui s'appelait, selon le terme ésotérique, Terre sacrée, Terre blanche, île du bout du monde, Mont Meru, disons une forme d'Éden ou de paradis. Les individus qui ont vécu sur cette race-là étaient des individus qui avaient une couleur jaunâtre translucide. Suite à différents cataclysmes et à différents processus d'évolution, la nouvelle race est apparue, une race qui était elle aussi jaunâtre, mais de plus en plus densifiée, et elle a vu le jour sur le continent hyperboréen. Continent qui se trouve à être aujourd'hui la partie est du Québec, ainsi que le Groenland, l'Islande, la Norvège et une partie de l'URSS. La troisième race mère qui a vu le jour fut la race noire, qui a vu le jour sur un continent qui s'est appelé Lémurie par la suite. La Lémurie a subi différents processus de cataclysme et d'évolution. La Lémurie a aussi vu naître sur sa terre le comte de Saint-Germain, c'est-à-dire Lazare. Suite à cette race noire-là, la race rouge, la quatrième race mère, la race atlantéenne, qui a vu le jour sur le continent atlantéen, qui était non pas une terre uniforme, mais plusieurs îles placées dans l'Atlantique, et ayant en elle-même, donc, disons que ce continent atlantéen, contournait aussi l'Amérique et une partie de l'Afrique, du désert, du Sahara, de l'Irak, de l'Iran, etc. La cinquième race mère, la race blanche, qui a vu, disons, le jour aux Indes surtout, c'est la race aryenne qui a vu le jour aux Indes, la race blanche, celle qu'Adolphe a voulu remettre sur la terre lors du Troisième Reich, la Deuxième Guerre mondiale. Présentement, la sixième race mère, la race bleue, est en train de voir le jour sur le continent nord-américain, précisément sur l'endroit qui jadis était la Terre blanche. Donc, l'endroit qui a vu pour la première fois sur la Terre la naissance d'une race de type humaine. La race de type humaine a été mélangée à la race violette adamique, donc Adam et Ève, sur le continent lémurien. Alors, avant Adam et Ève, on avait déjà une race humaine, mais qui ne possédait pas de possibilité d'entrer en relation avec des énergies supérieures, comme l'énergie supramentale ou le Saint-Esprit. Suite à un mélange entre la race violette adamique, qui était extraterrestre, et la race humaine lémurienne, on a pu assister à la naissance de l'être humain qui est le nôtre aujourd'hui, mais suite à certaines erreurs, disons, de calcul de cette race adamique, l'homme a subi une déchéance, c'est-à-dire que la race adamique surtout a subi une déchéance. Alors disons que présentement, sur la Terre blanche, est en train de naître la sixième race mère, donc la première sous-race de la sixième race mère, la race bleue. Cette race-là, c'est évidemment la race des élus. Chaque fois qu'un continent doit céder la place à une autre couleur de race, donc à une autre race évolutionnaire, la majorité de l'évolution génétique et psychologique et mentale de la race qui est en déclin va être ramenée par migration ou encore par réincarnation sur la Terre blanche. Autrement dit, quand la Lémurie s'est enfouie, les êtres les plus évolués de la Lémurie, les Lémuriens, ont été ramenés par migration sur la Terre sacrée. À la fin de l'enfoncement de l'Atlantide, les plus évolués ont été ramenés sur la Terre sacrée. Et à la disparition de la race blanche, les plus évolués, les élus, seront donc eux aussi ramenés sur la Terre sacrée. Cette Terre sacrée, elle couvre la partie ouest du Québec, tout le bouclier laurentien, donc les Laurentides, et la partie est de l'Ontario. Ce qui fait que le Québec est un endroit privilégié dans le domaine de l'évolution ésotérique et dans le domaine de la captation des énergies nouvelles, en l'occurrence, des énergies supramentales, pour cette raison. Alors, ce n'est pas une raison politique, c'est une raison géographique et une raison énergétique. La race des élus, c'est donc une race. Cela veut dire qu'elle peut s'opérer de deux façons, elle peut s'exprimer de deux façons sur le continent nord-américain. Elle va s'exprimer, premièrement, selon, dans un individu, disons, qui est, de par sa génétique, un élu, c'est-à-dire un individu qui, à sa naissance, a un corps physique lui permettant l'expression des énergies planétaires, mentales en descendant, et évidemment de l'énergie du Verseau, donc de l'énergie supramentale. Cela veut dire que l'enfant qui fait partie de cette race d'élus, de cette première race d'élus, car il y a deux races d'élus, de cette première race d'élus, est un individu qui peut être relié à l'énergie supramentale, et on va le reconnaître en ce sens et par ce fait qu'il sera relié à l'énergie supramentale sans jamais avoir côtoyé aucun autre individu relié à l'énergie supramentale. Alors, ce qui fait que l'individu, l'enfant ou celui qui est de par sa race, fait partie de la sixième race mère, c'est un individu qui sera en contact avec l'énergie supramentale dès sa naissance, donc il sera différent et il vivra le processus évolutionnaire planétaire normal d'une façon différente. Il n'aura pas une crise d'adolescence selon les critères conventionnels. Il n'aura pas de développement dans son physique selon les critères conventionnels, en apparence peut-être, mais pas dans l'interne, donc pas dans l'inapparence, dans la réalité de l'intérieur de son corps. Et cet individu sera capable de rayonner l'énergie supramentale. Alors, je répète que la première race des élus, qui est une race génétique, donc une race qui est permise par l'évolution de la masse planétaire et qui va donner, évidemment, un individu qui est, dès sa naissance, prêt à recevoir l'énergie supramentale. Cela veut dire que son cerveau ne peut pas être détruit par une descente ou une plongée dans l'énergie supramentale. Cela veut dire aussi qu'un ajusteur de pensée est immédiatement donné à l'enfant qui naît et qui est génétiquement de cette sixième race, de cette race du Verseau. L'ajusteur de pensée est quelque chose qui est attiré par un être humain qui est en voie d'évolution, ou qui est donné à la naissance à un être humain qui est déjà muté, qui fait donc partie de cette sixième race mère. L'apanage de la sixième race mère, c'est qu'à l'instant même où un enfant viendra au monde, il sera en contact avec l'ajusteur de pensée, son ajusteur personnalisé, donc il sera en contact avec un esprit saint typique relié à sa propre énergie. Il aura donc une faculté mentale qui se personnalisera et qui s'identifiera, évidemment, lors de son processus d'évolution de l'enfance du bébé aller jusqu'à l'adulte, et il aura le contact avec son ajusteur de pensée, soit pendant l'enfance, soit immédiatement lors de sa crise d'adolescence, qui, je le répète, sera totalement différente des crises d'adolescence conventionnelles. Cet individu, donc, rayonnera l'énergie supramentale. Il la rayonnera soit par la parole, donc il pourra enseigner, mais il enseignera des choses qu'il n'aura pas entendues parce qu'il n'aura jamais été en contact avec un autre être humain qui est en relation avec l'énergie supramentale. L'être de la sixième race est un être qui se verra confiné à la solitude. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas, l'énergie supramentale qui ira le baigner, lui interdira le contact avec d'autres expressions de l'énergie supramentale, d'autres êtres reliés à l'énergie supramentale. Donc, la première, disons, partie de la race des élus, c'est une race qui aura à passer par trois formes d'initiation principale, parce que la génétique de ses parents aura déjà passé à travers les quatre formes d'initiation primaire, celles reliées au plan planétaire. Cet individu non seulement pourra exprimer l'énergie supramentale, soit par le rayonnement de son propre corps, soit par la parole. Il pourra et il sera conséquentiel dans toutes ses décisions et dans tous ses cheminements de pensée. Cela veut dire qu'il sera, il aura la caractéristique pure de l'être de la sixième race, de l'être du Verseau, de l'enfant du Verseau. Il sera un être, un individu, un homme ou une femme conséquentiel. Chaque fois qu'il prendra une décision, c'est qu'il sera, il saura de parfaitement quel sera l'aboutissement et les effets de l'aboutissement de sa décision. Ce qui, évidemment, n'est pas l'apanage de l'être du poisson et n'est évidemment pas l'apanage non plus de ceux qui ne font pas partie de la race des élus. On va revenir un petit peu plus loin sur cet être-là, donc sur celui qui sera, de par la génétique de ses parents, un être de la sixième race, la race bleue, la race du Verseau, qui ne pourra prendre naissance que dans la région du Québec, Ouest-Québec, Est de l'Ontario, sur la Terre-Blanche. La deuxième partie de cette race des élus, et il n'y en aura pas d'autre, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de diplomatie, il y a ceux qui sont prêts, il y a ceux qui savent, il y a ceux qui représentent le reste de la population. Cette deuxième partie de la race des élus représente les individus qui, De par leur naissance, faisaient partie de la cinquième race mère, de la septième, sixième et septième sous-race de la race blanche. Ce qui est presque, disons, ce qui couvre à peu près tous les individus qui, présentement, sont en voie de conscientisation. Ces individus ne seront pas reliés à l'énergie supramentale de par leurs propres vibrations, donc de par leurs propres énergies. Ils n'ont pas suffisamment de puissance énergétique pour attirer à eux l'énergie supramentale, donc ils ne peuvent se transformer, disons, seuls, en réalité, par l'énergie supramentale, car ils ne l'attirent pas. Mais ils seront attirés par ceux qui feront partie du premier groupe de la race des élus, c'est-à-dire qu'ils seront attirés par les individus qui, eux, sont en relation avec l'énergie supramentale. Alors, disons que les individus qui font partie du premier groupe de la race des élus serviront donc d'antenne à ceux qui font partie du deuxième groupe de la race des élus. Cela veut dire que l'individu qui fait partie de ce deuxième groupe peut, sans danger, ou du moins sans gros danger, je ne dis pas sans souffrance, je ne dis pas sans perturbation, mais sans gros danger, recevoir l'énergie supramentale. Mais cet individu ne possédant pas suffisamment de contact avec son ajusteur de pensée qui tend à vouloir entrer en contact avec l'être humain, devra donc, pour se protéger, se fier à l'ajusteur de pensée de l'individu en relation directe avec l'énergie supramentale. Autrement dit, l'individu qui fait partie du deuxième groupe, étant insuffisamment en relation avec son ajusteur de pensée, sera protégé par l'individu qui, lui, est en relation directe et pure avec son ajusteur de pensée. L'énergie supramentale ne peut pas toucher purement, directement, l'individu du deuxième groupe, sinon, il risquerait de le détruire. Par contre, il va être capable, l'énergie supramentale, en traversant l'individu du premier groupe, celui qui, par la génétique, fait partie de la race des élus, il va être capable, cette énergie-là, d'être rayonné et d'être contrôlé par cet individu qui fait partie de la race des élus. Alors, si on part, je vais donner un exemple peut-être qui va aider un peu plus la compréhension. Si on prend l'exemple d'un individu qui fait partie du premier groupe de la sixième race, un individu qui, de par sa génétique, est un élu, un individu qui est en relation directe avec l'énergie supramentale et qui rayonne cette énergie par la parole. Ceux qui font partie du deuxième groupe recevront donc l'énergie supramentale à travers celui qui parle. Et ne pouvant eux-mêmes se protéger des excès d'énergie supramentale qui pourrait leur être néfaste, c'est donc l'orateur qui aura comme travail de décider de ce qu'il devra dire, de la forme d'énergie qu'il devra donner, de l'endroit où il devra le donner, ce qui fait que l'ajusteur de pensée de l'individu qui parle, de l'individu qui fait partie intégralement de la sixième race mère, lui aura donc comme mission et comme privilège de veiller à ce que les autres ne soient pas étouffés et détruits par les descentes d'énergie supramentale. Donc, en tout cas, ça m'éclaircit bien des choses que tu viens de dire là. En fait, l'ajusteur de pensée de premier exemple que tu dis devient un peu comme il règle le débit collectivement pour le deuxième groupe, si tu veux. À ce moment-là, il impose pratiquement son rite. Exactement. Puis il a la responsabilité aussi de l'ajusteur de pensée va imposer son rythme à l'énergie supramentale et il va imposer son rythme en relation avec ce que l'énergie mentale de l'être qui reçoit peut recevoir. Maintenant, si ton ajusteur de pensée ne peut suffisamment pas réussir à te rejoindre, toi, tu n'es pas apte à pouvoir communiquer avec, cela peut créer certains problèmes et, évidemment, l'énergie supramentale ne pourra pas descendre de la même façon. Par contre, tu es apte à recevoir de l'énergie supramentale, alors ce qui fait que l'ajusteur de pensée de l'orateur servira donc à gérer l'énergie que tu recevras. Je dis bien que cela diminue les risques de gros problèmes ou de gros accidents. Cela ne règle pas la souffrance chez l'individu qui reçoit. L'individu qui fait partie de la deuxième groupe de cette race mère, lui devra passer par quatre formes d'initiation primaire Et traversant ces formes d'initiation primaire-là, il pourra, grâce à l'énergie supramentale rayonnée par un orateur, d'où l'importance, à un moment donné, pour des individus, de se relier à un orateur. Mais l'individu devra être capable de discerner si l'orateur est relié à l'énergie supramentale ou si l'orateur est relié à une mémoire de l'énergie supramentale. Ce qui est dangereux et extrêmement différent. De quelle façon le savoir? Une chose certaine, un individu qui est relié à l'énergie supramentale et qui n'a jamais rencontré un autre individu relié à l'énergie supramentale ne peut pas être relié à une mémoire supramentale placée dans l'astral. Si un individu a côtoyé un individu relié à l'énergie supramentale, il peut lui aussi transmettre de l'énergie supramentale, mais il devra continuellement s'approvisionner à la source humaine qui l'aura un jour énergisé. Sinon, il restera relié à l'énergie supramentale placée dans l'astral. Et l'individu qui est en relation avec l'énergie supramentale de l'astral, un jour dit des choses qui sont correctes, un jour dit des choses qui sont dangereuses. L'individu qui est relié à l'énergie supramentale de l'astral ne possède pas d'ajusteur de pensée, disons, qui est réellement en relation avec lui. Il est normalement protégé par l'ajusteur de pensée de l'orateur ou de l'être humain qui l'a un jour énergisé. Mais s'il s'en éloigne et qu'il essaie lui-même de parler, de devenir orateur, il n'est plus protégé par l'ajusteur de pensée de l'individu qui l'a énergisé et il reste en relation avec l'énergie supramentale de l'astral qui possède les mêmes dangers que l'énergie supramentale pure sans en posséder la réalité. Alors, ce qui fait que l'individu qui n'est pas en relation directe avec l'ajusteur de pensée et qui est en relation avec l'astral supramental ne peut pas savoir si ce qu'il dit est dangereux ou non pour une collectivité qui viendrait écouter. Alors, pour distinguer l'individu qui n'a jamais été en relation avec une antenne supramentale, donc avec un individu qui est en relation et qui parle relié à l'énergie supramentale, cet individu fait partie de la race, de la sixième race mère, la race du Verseau. Il possède un ajusteur de pensée qui est capable de veiller à jauger les descentes d'énergie ou les communications d'énergie supramentale, à les diplomatiser et à les rendre perceptibles par l'être humain normal sans qu'il y ait de danger, de gros conflits. Pour la majorité des gens qui se conscientisent, disons que ce que je peux percevoir, moi, là, c'est que le maximum que les gens peuvent faire, c'est d'arriver mentalement à ne pas se susciter de problèmes ou se créer de problèmes qui les coupent de l'énergie, puis de rayonner leur propre, le maximum où ils sont rendus, finalement. Ça, où tu situes ça, là, à peu près? Bon, disons, vois-tu, c'est que tu as deux races d'élus seulement. La première race, la première partie, disons, de la sixième race mère, c'est celle qui reçoit l'énergie supramentale et qui est capable, parce qu'elle est ajustée, de déterminer la dose d'énergie qui devra être communiquée. L'individu qui reçoit cette énergie va évidemment la rayonner par la suite. Et l'individu qui recevra son énergie pourra lui aussi la rayonner, mais évidemment, plus on s'éloigne de la source, plus le rayonnement est coloré et moins le rayonnement est puissant. Tous les individus qui sont capables de bénéficier d'un rayonnement, aussi infime soit-il, de l'énergie supramentale, tout individu qui en bénéficie fait partie des êtres potentiels à cette deuxième partie de la race des élus. Donc, si toi, tu reçois le rayonnement d'un individu et cela te transforme quelque peu, soit en termes de connaissance, soit en termes de vibration. Cet individu-là a reçu le rayonnement d'un autre, qui l'a reçu d'un autre qui lui vient à des conférences ou qui lui côtoie une antenne. Cela veut dire que toi, tu peux rencontrer l'antenne et tu vas en bénéficier encore plus. Tu fais partie de cette race. Et qu'est-ce qui va faire en sorte que cette race d'élus soit un jour regroupée, bien évidemment, c'est cette affinité d'énergie supramentale. Tous les autres individus qui ne font pas partie de la race des élus, Alors, qu'en advient-il? L'être humain désire évidemment faire partie de la race des élus. Pour lui-même, sans être conséquentiel de l'évolution d'une collectivité ou de l'évolution simple de la planète Terre, à l'exclusion des êtres humains. Les individus qui ne sont pas en relation, qui ne peuvent être en résonance vibratoire avec l'énergie supramentale émise par une antenne ou par l'énergie supramentale elle-même, sont des individus qui ont eu comme travail de subtiliser, de spiritualiser, disons, l'astral, et ils ont eu aussi comme travail d'engendrer des êtres humains qui feront partie ou qui font partie de cette race. Ils font partie, évidemment, de la cinquième des choses que je ne dois pas dire. Alors, ils font partie de cette cinquième race, mais et ils font aussi partie de cette cinquième sous-race mère. Et ils ne font pas partie ni de la sixième, ni de la septième. L'individu même qui ne fait pas partie de cette race d'élus est un individu qui devra mourir, c'est-à-dire qui devra voir l'extinction de son corps, qui devra voir, il ne le verra pas, mais son corps vital sera digéré par le vital planétaire, son corps astral sera digéré par l'astral planétaire, son corps mental sera digéré par le mental planétaire. Tout cela sera réénergisé et détruit par les enfants du Verseau qui permettront une fois pour toutes, à la planète Terre, d'avoir une atmosphère rayonnante supramentale, donc d'avoir une atmosphère rayonnante du Verseau. Cela veut dire que tout ce qui est karmiquement poisson, bélier, taureau, tout ce qui est mémoriel des ères antécédentes et des races antécédentes sera détruit lors de, disons, de l'évolution ou du grandissement de l'ère du Verseau des enfants de la sixième race mère. Alors, croissez et multipliez-vous, ils le feront. Ils le feront non seulement dans la matière physique, ils le feront sous tous les plans, ce qui voudra dire qu'ils devront prendre la place de ce qui déjà est là. L'apocalypse, disons, ce qui obligera à une extinction rapide de la cinquième race mère de la race blanche sera causé par deux phénomènes. Le phénomène des entités involuantes de l'Agartha et le phénomène des entités évoluantes de la sixième race mère. Cela veut dire que tes enfants te détruiront. Cela veut dire que tous les enfants du Verseau se monteront contre leurs parents du poisson pour les détruire. Et cela est intelligent et cela sera parce que cela devra être. Donc, apocalypse, refusé par le poisson, obligé par le Verseau. Il n'est pas du domaine de l'être du poisson de décider s'il y aura apocalypse ou non. Cela relègue du domaine du Verseau. Les individus qui sont du poisson et qui n'ont aucune chance, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de la race des élus, seront donc détruits et devront se réincarner dans un endroit, dans un cadre social du Verseau qui leur sera construit, qui leur sera instauré par leurs enfants, enfants qui les auront détruits parce que intelligent va être le fait de détruire ce qui nuit. Alors disons que, toi disons que tu ne fais pas partie de la race des élus. Dans le fait, c'est une réalité potentielle, mais ce n'est pas une réalité actuelle. C'est-à-dire que tu, potentiellement parlant, tu as la capacité de devenir un être de la race des élus, mais que dans l'actualité, dans la réalité immédiate, tu ne fais pas partie de cette race d'élus. Si tu ne fais pas partie de cette race d'élus, comment faire pour arriver à en faire partie? Toi, tu n'as rien à faire. Par contre, il y a des processus qui vont se faire, car tu es manipulé, donc il y a des processus qui vont se faire d'eux-mêmes. Quand certains individus, il y a de cela 10, 20, 30 ans, ont parlé de la mutation psychologique ou de la psychomutation, ces êtres-là annonçaient déjà la création du premier des deux groupes de la race des élus. Ils annonçaient à l'humanité que la race qui n'était pas de cette sixième race mère, donc qui était de la cinquième race mère terminante, un jour, ferait partie de cette race d'élus. Parce que l'énergie rayonnée par les antennes viendrait opérer une mutation dans leurs cellules nerveuses, dans leurs cellules neurologiques, ce qui engendrerait une mutation dans l'expression de l'énergie astrale. L'expliquant plus simplement, ils ont donc annoncé une mutation psychologique. L'être exprimerait sa psychologie d'une nouvelle façon. Pour l'exprimer d'une nouvelle façon, il n'y a qu'une chose qui puisse le permettre. Il doit y avoir une altération, une transformation, une mutation physique au niveau des neurones. Tu exprimes ta psychologie d'une certaine manière. Tu prends de la boisson et tu l'exprimes d'une autre manière. Tu n'as pas le choix. Tu prends des drogues et tu l'exprimes d'une autre manière. Tu n'as pas le choix. Donc, l'état de ton schéma neurologique, de ton cerveau, détermine en grande partie quelle forme d'expression tu auras. L'être qui présentement est en conscientisation et qui, sachons-le, est entré en contact avec une antenne supramentale, donc avec un individu qui est en relation directe avec l'énergie supramentale, ne peut faire partie, il ne fait partie que du deuxième groupe, donc de ceux qui peuvent faire partie de la race des élus, qu'en recevant l'énergie rayonnée par une antenne. Si l'individu, à un moment donné, croit être capable d'émettre lui-même, c'est qu'il est en relation avec l'astral supramental. Donc, il peut être réintégré à l'astral à un moment donné ou à un autre, et il aura de fortes chances, du moins, d'être l'un des serviteurs des forces évoluantes sur la planète Terre. Quand tu parles d'antenne, là, est-ce que la parole est essentielle ou la proximité est suffisante? La proximité est suffisante. Selon ton degré d'énergie, la parole, c'est surtout ce qui va être capable d'énergiser la masse, la majorité de cette deuxième groupe de cette race mère. OK. Puis le passage, est-ce que les corps sont bâtis suffisamment forts pour que ceux qui sont du deuxième type puissent, dans cette vie même, à un moment donné, non pas seulement recevoir par déflexion du premier type, mais émettre eux autres mêmes, ou c'est pour... Non. Présentement, les individus qui ne sont pas reliés intimement à l'énergie supramentale et qui reçoivent, disons, des effluves d'énergie supramentale par une antenne, par un être qui est un élu et qui fait partie du premier groupe, donc qui est en relation directe avec l'énergie supramentale, ces êtres humains-là ne pourront, au cours de leur vie, que rayonner de l'énergie supramentale rayonnée par l'antenne. Par contre, ils pourront, s'ils s'unissent et s'ils travaillent en collaboration en vue d'un plan conséquentiel, un plan qui a des conséquences reliées au plan d'évolution planétaire, ils pourront en masse, donc quand ils seront groupés, recevoir directement d'un ajusteur de pensée collectif l'énergie supramentale qui sera jaugée par l'ajusteur de pensée collectif et qui pourra distribuer la dose d'énergie à chacun des êtres qui sera réuni, disons, en colonie ou en micro-société ou en groupe. On parle souvent et toujours de l'ajusteur de pensée individuel, l'ajusteur de pensée qui un jour sera personnalisé et qui appartiendra à un individu. Mais il existe une deuxième forme d'ajusteur de pensée, l'ajusteur de pensée collectif. Et l'ajusteur de pensée collectif veillera à jauger l'énergie dans une collectivité qui sera de ce deuxième groupe de la race des élus. Autrement dit, présentement, il n'y a aucun ajusteur de pensée collectif qui est en travail, qui est en opération sur le plan planétaire et qui règle la descente d'énergie supramentale sur une collectivité parce qu'il n'y a pas de collectivité de ce deuxième groupe de la race des élus suffisamment organisé et suffisamment relié. Prochainement, d'ici, disons, quelques années, certains ajusteurs de pensée collectifs viendront se placer au niveau du plan planétaire et ils pourront permettre à une collectivité d'entrer en contact réel et direct avec l'énergie supramentale. Mais ces individus-là ne le pourront pas seuls. Ils devront toujours être reliés à l'ajusteur de pensée collectif ou encore à l'antenne, c'est-à-dire à celui qui est un élu de par sa génétique. L'ajusteur de pensée collectif, est-ce que c'est un ensemble d'ajusteurs de pensée individuels? Non, c'est non. Un ajusteur de pensée qui a comme vocation, comme fonction, comme perfectionnement le fait de jauger l'énergie supramentale pour qu'elle soit distribuée selon les besoins à différents individus qui ne sont pas encore capables d'être en relation intime avec leurs ajusteurs de pensée propres. Autrement dit, l'individu collectif finira à un moment donné par croire qu'il est en relation avec son ajusteur de pensée, mais il sera en relation avec l'ajusteur de pensée collectif et il pourra être en relation avec l'ajusteur de pensée collectif que s'il est regroupé dans un groupe d'individus faisant partie de cette race d'élus ou s'il suit ou s'il est souvent réénergisé par une antenne, par un élu. OK. Alors, si on revient... Ah, moi, tu as une question? Si on revient aux initiations que les individus auront à passer. Premièrement, les initiations n'ont pas comme but de vérifier l'état d'avancement d'un individu. Une intelligence est suffisamment capable de voir le degré, disons, de capacité de recevoir une énergie supérieure sans avoir à lui passer des examens. L'initiation, on l'a souvent considéré comme étant un examen qui permettait de voir si tu étais prêt ou non. Ça a un résultat dans ce genre-là. L'initiation la plus finale, disons qu'on a 4 initiations pour les élus du deuxième groupe et 3 initiations supérieures pour les élus de la génétique. Les dernières formes d'initiation, c'est-à-dire la 4e et la 7e initiation, sont des initiations que bien peu ont tenté jusqu'à date et que bien peu ont pu voir, disons, la vie leur amener la possibilité de les tenter. Quelques rares individus ont réussi les initiations, la 4e et la 7e, et les autres sont tous morts. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas, tu ne manques pas ton coup. Tu ne rates pas ton coup quand tu vis la 4e initiation ou la 7e initiation. Tu réussis ou tu meurs. Et la mort au cours d'une initiation ne suit pas le processus habituel d'une mort collective, d'une mort de, celle qu'on va retrouver dans le plan d'évolution normale de l'humanité. Il n'y a pas de redigestion par l'astral planétaire de l'individu qui meurt en cours d'initiation. Tout son schéma, l'être, l'individu au complet, va suivre un processus de réincarnation qui est similaire à celui que l'on enseigne. Et celui que l'on enseigne ne s'adapte et ne s'adresse pas du tout à la population. Alors, ce qui fait que, disons que la première initiation de la race des élus du deuxième groupe, qu'est-ce qu'elle est? Elle oblige l'individu à devoir rencontrer une personne du sexe opposé, à devoir se lier avec et à devoir passer son initiation avec. Cela veut dire que l'individu aura à souffrir avec. Ce qui, normalement, dans une initiation qui est manquée, de cette première initiation de la race d'élus qui va être manquée, on aura comme résultat des enfants et un divorce ou une séparation. L'initiation, elle est manquée. L'initiation peut être réussie de deux façons lorsque l'individu rentre dans cette forme d'initiation. Il y a premièrement la séparation totale et complète avec l'entité, la personne avec laquelle tu vis, avant qu'il y ait procréation. Le mariage, on s'en fout. Ce que Dieu relie sur la terre ne devra pas être séparé. Ce que Dieu relie, il le relie lorsqu'il y a enfant. Et ta génétique ainsi que celle de ta femme sont reliées dans ton enfant, ils ne seront jamais séparés. Et ce n'est pas l'homme qui va briser un commandement de Dieu. Il ne peut pas le séparer. Mais ce n'est pas le fait que l'entité femelle et mâle restent ensemble ou se séparent qui est relié à cette expressivité, disons, très colorée d'un commandement supramental ou de Dieu. Alors, ce qui fait que cette première forme d'initiation Elle va obliger l'individu à souffrir et à devoir se prendre en main pour briser un contexte énergétique pour pouvoir redevenir lui-même, parce que l'initiation va faire en sorte que l'individu de cette race d'élus devra souffrir le fait de vivre avec un autre. Mais s'il est déjà trop tard dans l'évolution de l'initiation et qu'il y a des enfants, l'individu sera aidé par l'énergie et il réussira cette initiation-là en gardant son foyer uni et en devenant ce qu'il doit être. Donc, il ne devient pas l'esclave de son conjoint pour garder le foyer uni. Il devra, par l'exemple et par l'énergisation, suffisamment transformer son foyer, mais pas par la parole. Il devra réussir à se servir de ses facultés mentales pour pouvoir trouver la solution conséquentielle aux problèmes qui vont l'attacher, parce que l'énergie va s'occuper à ce que l'individu a des problèmes, et il devra faire en sorte que le foyer non seulement reste relié, car il y a des enfants, et il devra faire en sorte que la famille puisse évoluer, et lui aussi. Parce que le processus de l'initiation du premier degré de ceux qui font partie de cette race d'élus potentiels, c'est un processus d'initiation qui les oblige à devoir entrer en contact avec des énergies mentales et mentales supérieures, supramentales, pour pouvoir aboutir dans une forme d'efficacité avec des costes et avec des conséquences étudiées. Alors donc, l'individu qui est relié à une personne et qui est en train de se transformer, c'est-à-dire d'être aberré, d'être involué, est dans cette phase d'initiation. Et l'individu devra soit, ben il n'aura qu'une solution, pas de diplomatie, il devra quitter l'autre à un moment donné. Sera-t-il capable? Ça, c'est à lui de déterminer cela. Si cela aboutit avec des enfants, il devra garder son foyer et transformer tout l'intérieur, pas par la force, par l'énergie mentale suffisamment intelligente. Au moment de la conception, est-ce que c'est possible qu'il sente cette descente-là dans cet enfant-là, qu'il y ait quelque chose de différent au niveau de l'énergie, de la qualité de l'énergie? Disons que ça dépend simplement des affinités des deux individus lors de la conception. Alors, ça fait que présentement, disons que des individus peuvent le sentir, mais il faut remarquer que la majorité des individus peuvent aussi le ressentir. Et ce qu'ils vont ressentir en réalité, ce sera simplement une descente d'énergie supramentale de l'astral. Parce qu'il y a désir aussi de procréer des dieux. Hein? Notre enfant est souvent le plus beau et le plus fin. Bon, aussi laid peut-il être. Bon, ils sont tout aussi laid de façon quasi quand ils viennent au monde. Hein? Bon, ou tout aussi beau, mais enfin, il n'y a pas grande différence en tout cas. Bon, alors ce qui fait que l'individu qui vit cette première initiation-là devra s'en sortir. Soit avec un foyer construit et harmonieux, soit en restant seul. Mais tu ne deviens pas seul une fois que tu as eu des enfants. L'initiation, elle est ratée. Qu'est-ce qui se passe avec une initiation ratée de ce type-là, finalement? On s'en fout. Les enfants qui vont faire partie du Verseau vont s'arranger à un moment donné pour purifier l'arrière. La deuxième forme d'initiation. Sur les quatre formes d'initiation, je n'en aborderai que deux et sommairement, comme on le fait présentement, pour la simple raison que ces deux-là sont suffisantes et sont les deux initiations les plus actuelles dans le vécu de ce deuxième groupe de la race des élus. Certains individus verront sans doute ou croiront sans doute ne pas vivre ces initiations ou les avoir vécues et s'en être sortis facilement. Ceux-là, ils sont mieux de se surveiller parce qu'ils n'ont rien connu de l'initiation encore. Ils ont aperçu, ils ont été reliés à des mémoires de personnes qui ont vécu ces initiations-là, et étant reliés à ces mémoires-là, ils croient en avoir fait l'expérience et ils croient s'en être sortis mieux que les autres. Il faut se surveiller. La deuxième forme, c'est qu'il vient un moment donné où l'individu devra tout rejeter dans le domaine du psychologique et non pas dans le domaine de la famille. Première initiation, elle est passée. Il devra rejeter des choses, il devra commencer à devenir conséquentiel et il devra, à un moment donné, finir par être lié au plan d'évolution de la planète. La deuxième initiation, va amener l'individu à comprendre ce qu'il devra faire parce qu'il sera relié à une forme d'énergie intelligente au niveau de son mental qui sera en voie de se personnaliser, c'est-à-dire qui sera énergisé par une antenne, donc par un orateur relié directement à l'énergie supramentale. Et cet individu-là arrivera lentement à entrer en contact avec l'ajusteur de pensée collectif. Maintenant, quand l'individu va de plus en plus recevoir des effluves supramentales de l'antenne, une fois la première initiation passée, cet individu-là verra des continuités dans le temps. Donc, il commencera à développer ce que moi j'appelle une préscience. Il ne prédira pas, il ne sera pas un prédicteur, il ne sera pas un prémoniteur, il ne sera pas un devin, il ne sera pas un prophète. Il sera prescient. Scient par science, science c'est mental, donc il aura connaissance des possibilités du futur, des possibilités de l'avenir, et il verra différentes jonctions dans l'avenir qui sont tous probables et possibles, dépendant de ce que lui fera. Et lui ne sera pas, et c'est là l'initiation, suffisamment énergisé au niveau supramental, donc il ne sera pas suffisamment en relation avec un ajusteur de pensée, pour être capable de prendre sa décision. Il verra des futurs possibles qui seront réellement possibles, mais il ne saura pas quelle décision prendre. Pourquoi? Parce qu'il sera suffisamment énergisé pour voir un corridor, mais insuffisamment pour voir l'aboutissement du corridor. Ce qui fait qu'il verra des choses qui sont intelligentes et logiques, mais ne voyant pas l'aboutissement conséquentiel, il ne pourra pas savoir quelle décision prendre. Ça, c'est la première forme réelle de souffrance mentale. Ce n'est pas une souffrance psychologique. Donc, il peut s'empêcher de s'engager dans aucun tunnel parce qu'il ne voit pas le... Il ne s'en empêchera pas. Pourquoi? Parce que le fait de s'empêcher l'amène déjà dans un de ces tunnels et il verra la conséquence. Donc, il ne saura pas s'il doit s'empêcher ou s'il doit le faire. Et il saura que s'il s'empêche de prendre une décision, il y aura telle chose comme conséquence, il saura que c'est absurde, donc il saura qu'il doit prendre une décision, il ne saura pas dans quel cheminement. Tu es dans un labyrinthe, et ou sur une autoroute avec plusieurs routes qui en partent, tu avances, et au fur et à mesure que tu avances, tu vois les embranchements. Dans les embranchements, tu vois des continuités dans l'avenir, mais tu ne vois pas leur aboutissement. Tu prends un de ces chemins et plus tu avances, plus tu vois d'autres embranchements. Et tu vois des conséquences qui peuvent être néfastes, ce qui vont te dire que tu t'es trompé de chemin. Tu vois encore d'autres embranchements auxquels tu ne vois pas l'aboutissement. Ce qui crée une souffrance dans le mental qui est terrible, mais qui n'est pas descriptible parce qu'absolument différente de la souffrance psychologique. Et si on la décrirait, elle serait automatiquement cataloguée avec la souffrance psychologique. Donc, on n'en parle pas de cette souffrance. Mais c'est la phase, la deuxième phase d'initiation. L'individu qui n'est pas prescient n'a pas vécu la première phase d'initiation ou a simplement échoué dans cette première initiation. L'individu qui est prescient a automatiquement dû subir la première initiation. Donc, la préscience et la souffrance mentale réelle, l'être humain va connaître certains degrés de souffrance mentale, mais la souffrance mentale angoissante pour le mental, agonisante, disons, pour le mental, pendant un certain temps, sera suggérée, sera liée au phénomène de la deuxième initiation. Alors, la troisième et la quatrième, on n'en parle pas, car les individus ne sont pas suffisamment prescients, alors ce qui fait qu'on ne prendra pas des choses sérieuses pour en faire des trips spirituels. OK, c'est un peu comme un système circulatoire. Tu te ramasses dans des petites ramifications, puis il sent la compression de l'artère sur lui, finalement. Exactement. Mais il connaît la conséquence, disons, dans un certain laps de temps futur d'une chose, mais il ne peut pas en voir l'aboutissement. Donc, l'être humain, lors de la deuxième initiation, verra l'avenir. Il verra différentes possibilités d'avenir qui seront mathématiquement prévues par le mental, mais il ne pourra pas en voir l'aboutissement conséquentiel. L'être qui fait partie du premier groupe de la race des élus, donc l'être qui est élu de par la génétique, l'être qui est directement en relation avec l'énergie supramentale, lui pourra et aura justement comme travail d'établir chez les autres cette continuité dans l'avenir au niveau conséquentiel. Donc, l'élu au niveau de la race, l'élu génétique, lui sera prescient, mais verra les aboutissements de ses décisions. Et l'individu qui fait partie du deuxième groupe de la race des élus, celui qui est en mutation psychologique, toute la planète Terre au complet fait partie de la race de la deuxième groupe de la race des élus en potentiel. Mais mentalement ou supramentalement, je sais très bien que tel ou tel individu n'aboutiront jamais. Ils devront mourir et dans l'une réincarnation future, ils feront partie de cette race. Et c'est normal qu'on élimine. Si notre société serait encore peuplée d'hommes de Cro-Magnon, d'australopithèques, on a suffisamment des australopithèques, hein, ceux qui sont dans l'astral, sans avoir les australopithèques. Alors, ce qui fait que si on regarde simplement une évolution de société avec tous les mélanges de ceux qui sont passés avant nous, c'est ridicule. L'ère du Verseau va détruire l'ère du Poisson. Si tu regardes qu'on est 4 milliards 800 millions d'êtres humains sur la planète Terre, cela veut dire que si la moitié engendre un être du Verseau, il y a suffisamment d'êtres du Verseau pour mener une guerre gagnante contre tous ceux de l'ère du Poisson. Alors, si on regarde simplement dans l'Antiquité, où les races ne se menaient pas une guerre contre l'autre, c'est que le potentiel d'individus vivants était trop petit pour engendrer suffisamment d'êtres supérieurs pour pouvoir les détruire. Donc, ils devaient cohabiter. Mais présentement, l'ère du Verseau va interdire à l'ère du Poisson de venir cohabiter avec lui. Il ne pourra pas cohabiter parce que dans l'ère du Poisson et dans les aires antérieures, il y a la diplomatie. Il y a tout ce qui peut colorer une réalité. Et dans l'ère du Verseau, il n'y aura que l'intelligence qui dominera, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de diplomatie. Une chose sera ce qu'elle sera, elle ne sera pas un peu ça, ou dépendant des individus, elle ne sera pas belle, un peu belle, pas très belle, un peu laide, très laide et extrêmement laide. Elle sera ce qu'elle sera. Alors, ce qui fait que la diplomatie du Poisson ne pourra pas vivre avec l'intelligence du Verseau, et il y aura évidemment une lutte entre les deux. Lutte qui est déjà préparé par l'énergie supramentale et qui, évidemment, donnera la victoire à l'ère du Verseau. Donc, à la sixième race, à la race bleue. Alors, ce qui fait que tous les individus, dans une réalité potentielle, peuvent devenir des êtres élus dans une réalité actuelle. Maintenant, l'individu qui est en mutation psychologique parce qu'il est en contact avec une antenne supramentale, cet individu-là a évidemment beaucoup plus de réalité potentielle qu'un individu qui n'est pas en relation avec une énergie supramentale rayonnée par une antenne. L'énergie supramentale ne vient pas d'un livre. Tu lis un livre et tu as des connaissances supramentales qui viennent peut-être du livre si c'est un livre supramental. Mais en toi ne restera que la mémoire du livre. Donc, tu auras une mémoire astrale, supramentale, mais tu ne seras jamais de ceux qui feront partie de la race des élus. Tu dois toucher une antenne, donc tu dois toucher un élu de par la génétique pour, si tu n'es pas un élu de la génétique, arriver à être, disons, arriver à cette mutation neurologique qui, évidemment, va engendrer une mutation psychologique. Et disons que si on veut avoir quelque chose de précis, présentement, sur la Terre blanche, donc sur la Terre sacrée, il y a approximativement que 4 individus qui sont reliés à l'énergie supramentale. Il n'y a que 4 individus fonctionnels présentement qui peuvent servir d'antenne sur la Terre blanche. Et la Terre blanche, c'est le Québec. OK. Est-ce qu'il y a une possibilité d'augmentation du nombre? Là, c'est une petite question pas tellement importante. Mais... Non, le nombre va être de plus en plus augmenté, mais ces êtres qui seront... disons, les êtres qui vont être en contact, donc reliés à l'énergie supramentale, auront un autre travail à faire en termes de rayonnement. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas de rayonnement public. Maintenant, une chose qui est importante, c'est que chaque individu orateur qui est relié à l'énergie supramentale va rayonner par la parole pendant un laps de temps qui est prédéfini. Et après ce laps de temps, il ne pourra plus rayonner par la parole, il rayonnera d'une autre façon, ce qui l'obligera donc à quitter le domaine du public. quand le temps viendra, évidemment. Ils seront remplacés par d'autres orateurs, par d'autres antennes, mais la majorité des individus qui seront de par la génétique au niveau supramental, ces individus-là n'auront pas à rayonner par la parole, ce qui fait qu'ils resteront donc dans l'anonymat. Ils énergiseront des masses dans le public à l'insu de ces masses-là, et ces masses-là qui font partie de ce deuxième groupe de la race des élus étant énergisés d'une façon manipulatrice, cela va de soi, par le premier groupe de la race des élus, seront donc poussés un jour à rencontrer les orateurs, ceux qui rayonnent par la parole. Alors, ce qui fait que les énergies vont s'arranger pour faire en sorte, justement, que les individus de la race des élus se groupent, se rassemblent et se parfaisent. Donc, tout ce qu'on connaît à l'heure actuelle de l'élite sociale, scientifique, etc., ne sera pas récupéré. Ça n'a aucun rapport avec la race des élus. Je répète bien que c'est une race, donc une transformation dans la matière physique. Alors, évidemment, il doit y avoir un travail dans le domaine du physique, il doit y avoir un travail dans le domaine du plan vital, dans le domaine du plan astral, dans le domaine du plan mental, et évidemment, une relation intime avec une antenne, donc une personne qui, de par la génétique, est un élu. Tous les autres individus, quelle que soit leur importance dans une société du poisson, n'ont aucun rapport avec l'ère du Verseau. Un individu peut être premier ministre et être un enfant du Verseau. Il peut faire partie de la sixième race. Mais il peut être premier ministre et faire partie de la cinquième race. Ce qui est, dans la majorité des cas, le cas. Alors, ce qui fait que les enfants qui font partie, de par la génétique du Verseau, sont des enfants qui vont naître surtout dans dans 20 ans. Les quelques rares exceptions qui naissent présentement sont des individus qui auront à remplacer les orateurs, donc les antennes parlantes, disons, et sont aussi ceux qui auront incognito à énergiser la masse au niveau supramental. Maintenant, ce qui arrive, c'est que la majorité des enfants qui vont naître ou des individus qui présentement, de par la génétique, sont en relation avec l'énergie supramentale, eux autres auront comme travail surtout d'attirer sur la Terre blanche, donc au niveau du plan québécois, du bouclier laurentien surtout, l'ajusteur de pensée collectif. Il y a un immense travail présentement qui est en train d'être fait au niveau de l'attraction d'un ajusteur de pensée collectif, ce qui va permettre à une collectivité d'être manipulée par Dieu au lieu d'être manipulée par Satan, ou disons en termes plus ésotériques, d'être manipulée par une énergie supérieure au lieu d'être manipulée par une énergie inférieure. Alors, ce qui fait que l'ajusteur de pensée collectif, qui est présentement en giration autour de la planète Terre, est encore dans l'actualité trop éloigné pour permettre une diffusion correcte des énergies supramentales. Quand on parle de descente supramentale, tout l'automne, le Québec, surtout la planète Terre en général, a baigné dans l'énergie supramentale. Cette énergie supramentale-là va être contrôlée, c'est-à-dire qu'elle va être focalisée dans la région du Québec par l'ajusteur de pensée qui est collectif. Cet ajusteur de pensée collectif se rapproche de la planète et évidemment se rapproche du Québec, ce qui fait que le faisceau d'énergie supramentale qui le traversait et qui était rayonné sur la planète Terre sera de plus en plus concentré au fur et à mesure que l'ajusteur descendra sur le plan terrestre. Et il descendra de plus en plus selon l'attraction des enfants, des élus génétiques, comme des élus mutants. Et à un moment donné, il sera suffisamment rapproché du plan, disons laurentien, de la Terre blanche, pour pouvoir réellement réveiller et finaliser des mutations chez les êtres du deuxième groupe de la race des élus. Ceux-là, donc, auront instantanément contact avec un ajusteur de pensée. Si on prend juste, par exemple, l'exemple expérientiel des apôtres du Nazaréen, lorsque l'intelligence active, lorsque l'Esprit Saint, lorsque l'énergie supramentale est arrivée sur les apôtres à un moment donné de leur vie, c'est arrivé en collectivité. Les apôtres ont tous reçu l'énergie supramentale et ils ont été rejoints par un ajusteur de pensée collectif. Donc, en même temps, une collectivité qui était réunie et qui était faisant partie d'une race de mutés ont été reliés à l'ajusteur de pensée collectif. Ce qui, en termes ordinaires, nous allons appeler l'ajusteur de pensée d'un individu. Vous avez chacun votre ajusteur de pensée, mais cet ajusteur de pensée-là est beaucoup plus collectif que l'on peut le penser. Mais dans le résultat chez l'être humain, ça n'a aucune importance. Dans les faits, disons que ça en a une. Alors, ce qui fait que le Nazaréen a permis à un ajusteur de pensée collectif de pouvoir, disons, réveiller, finir la mutation de certains de ses apôtres. Disons de 11 apôtres pour être plus précis. Le Nazaréen a eu une soixantaine d'apôtres qui le suivaient de proche, quelques centaines de disciples et 11 apôtres qui, comme tels, ont pu recevoir l'énergie supramentale. Et dans ces apôtres-là, celui qu'on pourrait s'attendre le plus n'y était pas et celui qu'on pourrait s'attendre le moins y était. Bon, il y a une avalanche pour moi, le sujet est brûlant parce qu'il y a une avalanche de questions. Ça va être super. Votre énergie est différente ce soir. Y a-t-il un rapport entre l'énergie que vous émettez et le sujet de votre conférence? Bon, s'il y a un rapport entre l'énergie que j'émets et le sujet de la conférence, alors c'est évident qu'il y a un rapport. Premièrement, quand on émet une forme d'énergie sous forme de connaissance, la parole transporte l'énergie qui permet la compréhension de la parole dans la personne qui reçoit. Alors, ce qui fait qu'évidemment, l'énergie d'un orateur doit être en proportion avec un sujet et surtout avec l'impression que l'énergie veut créer chez l'auditeur. C'est sûr que si à un moment donné, on fait une conférence, ce qui va peut-être un jour arriver sur les forces sataniques, sur les forces luciférienne, alors l'énergie qui va être émise par l'orateur, par moi-même, sera totalement différent de l'énergie qui peut être émise si on parle de race d'élus ou si on parle de différentes choses. Alors, c'est évident que l'énergie émise par un individu dépend de l'énergie qu'il reçoit. L'ajusteur de pensée personnalisé d'un individu qui est en relation avec l'énergie supramentale va déterminer elle-même la dose d'énergie supramentale et de quelle façon cette énergie aura à s'exprimer. Cela veut dire évidemment que cela va déterminer le rayonnement de l'orateur ainsi que sa parole, son flux de parole, l'énergie émise en même temps par la parole et les mots employés pour pouvoir transmettre l'énergie, que l'on appelle la connaissance. Alors, l'énergie de l'orateur est toujours en proportion sous plusieurs formes avec le titre ou le sujet de la conférence. Pour bien les raisons. Il y a 7 initiations. L'élu génétique en fait 3, les supérieurs, et l'élu muté fait les 4 inférieurs. J'aimerais savoir si j'ai bien compris. Alors voilà. Il y a 7 degrés d'initiation en rapport avec la 6e race, donc la race du Verseau. L'élu génétique, l'individu qui naît et qui, sans rencontrer un être humain en relation avec l'énergie supramentale, rentre lui-même en relation avec l'énergie supramentale, devra passer par les 7 initiations. Donc, il devra faire la première, la deuxième, celle qu'on a expliquée en ce qui concerne la rencontre avec une autre personne. Il devra découvrir la préscience sans voir le fond des corridors. Il devra faire les 7 initiations et parfaire la 7e. L'élu qui est de ceux, donc des mutants, l'élu qui est de ceux qui auront à muter, qui auront à subir une mutation neurologique pour pouvoir subir une mutation psychologique, ces êtres-là n'auront à faire que les 4 initiations primaires pour pouvoir accéder à cette 6e race du Verseau sans voir la suppression de leur corps physique. Donc, les personnes qui font partie du 2e groupe, les personnes qui sont de la 6e race mutée, les mutants du Verseau, feront donc les 4 premières initiations et les élus génétiques auront à faire les 7 initiations. On revient à la première initiation. Au sujet de la première initiation, qu'en est-il des célibataires, Suzanne? Bon, le célibataire est souvent solide à terre. Et puis, L'individu qui est célibataire aura lui aussi à vivre son initiation. L'initiation de premier degré, donc la première initiation, est une initiation qui regarde beaucoup plus le niveau vibratoire de l'astral que le niveau vibratoire du mental. Et l'individu qui aura passé cette première initiation-là devra donc la solutionner à partir de sa vibration mentale. Donc, c'est une initiation qui va être amenée par la vibration astrale pour pouvoir tenter de soumettre le mental à l'astral collectif. Et le mental de l'individu devra donc se déprendre, se débattre pour pouvoir assujettir sa propre astralité à sa propre mentalité. L'individu qui est solitaire est un individu qui est soit de la race du poisson, soit de la race du Verseau. Il aura lui aussi à vivre la même initiation que celui qui aura rencontré un individu. Maintenant, le temps n'est pas venu à ce qu'il vive cette initiation-là. Donc, chaque chose va venir en son temps et l'individu aura, s'il ne rencontre pas un âme sœur, disons, qui permettra à sa propre psychologie de tomber en amour avec, il aura un jour un individu qui lui collera au pied, qui sucera son énergie, et malgré elle, elle se verra entourée par les bras d'un autre individu. Le temps n'est peut-être pas venu pour tous les célibataires, le temps va venir à un moment donné, et l'individu aura de toute façon à souffrir la même initiation psychologique que celui qui est en relation intime avec un individu. Il ne faut pas oublier que la relation intime avec un individu peut se vivre sous forme de relation, excluant la relation sexuelle, entre un être et un animal. Donc, l'individu qui a un chien peut vivre la même initiation que l'individu qui a une femme ou un mari, ou un homme, ou un ami. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'une forme d'expressivité de cette initiation-là. Voyez-la sous tous ses aspects. L'être qui est célibataire va vivre aussi cette initiation-là. Il peut la vivre avec sa mère, avec son père, avec son frère, avec sa sœur, dans le sens du contexte de manipulation restrictif d'une relation à deux. Alors, évidemment, il faut la voir là où elle est. Tout à l'heure, on a donné une espèce une forme d'expression de la première initiation. Elles ont tous le même genre de travail, le même genre de développement et le même genre d'aboutissement, mais ils peuvent se vivre de différentes manières. Toujours sur la première initiation, mais dans un autre sens, est-ce que tu pourrais être plus explicite à propos de la première initiation dans l'union sans enfant, normalement? Bon, le fait de ne pas avoir d'enfant. Si un individu est relié à une autre personne et qu'ils vivent leur phase d'initiation et qu'ils n'ont pas d'enfant, l'enfant ne fait pas partie de la phase d'initiation. L'enfant est simplement un critère qui obligera l'individu en phase d'initiation à harmoniser sa relation s'il y a des enfants et à l'harmoniser ou à la finir s'il n'y a pas d'enfant. Alors, le fait d'avoir des enfants ne fait pas partie de l'initiation. Mais le fait d'en avoir va obliger l'individu pour réussir son initiation à réussir sa relation. S'il n'a pas d'enfant, il peut harmoniser sa relation ou se séparer. Mais il ne pourra pas rester relié s'il n'y a pas d'harmonisation. Et s'il a des enfants, il devra s'efforcer de l'harmoniser, sinon il aura encore une fois raté son initiation. Et ce qui va arriver souvent, c'est que les individus en phase de conscientisation vont souvent avoir l'idée de laisser leur famille parce que leur famille ne comprenne pas. Quand je parle de la famille, disons de laisser leur femme ou leur mari et leurs enfants parce que le conjoint ne comprend pas. Donc, ils abandonnent tout ça, ils sacrent leur camp et ils espèrent pouvoir continuer leur conscientisation. Ce n'est pas dans l'abandon d'un problème. Un problème qui peut t'apprendre quelque chose, un problème qui peut te transformer lorsqu'il y a des enfants, que l'individu arrive à se parfaire. Par contre, s'il n'y a pas d'enfants, donc s'il n'y a aucune raison énergétique de rester en relation, là, il y a stupidité si la relation persiste. Autre question, est-ce que les noirs et les jaunes vont faire partie de la sixième race? Quand on parle de la race noire, la race lémurienne, de la race jaune, la race hyperboréenne, on ne parle évidemment pas des vestiges génétiques dans la physiologie humaine, au niveau des cellules de la peau, de la race jaune, la race orientale, de la race noire, la race africaine. Haïtienne, mais les Haïtiens viennent de toute façon de l'Afrique. La race blanche n'est pas déterminée par la couleur de la peau, elle est déterminée par les capacités que son mental a de pouvoir se servir des mémoires pour les appliquer d'une façon efficace dans un événement. Alors, ce qui fait qu'un individu qui a la peau noire et qui a une conception psychologique et mentale, disons, européenne, la race indo-européenne étant la race blanche, donc la cinquième race mère, l'individu qui a une peau noire, une peau jaune, une peau rouge, et qui a les facultés mentales de la race blanche, est un individu de race blanche, ésotériquement. Et les individus qui ont une couleur blanche, mais qui n'ont pas le raisonnement de cette finalisation de la cinquième race mère, donc qui n'ont pas la capacité raisonnante de la cinquième sous-race de la cinquième race mère, sont des individus, disons, qui ne font pas partie de ces élus potentiels. Alors, si on regarde la race blanche en Espagne, si on regarde la race blanche aux Indes, qui est une race aryenne terminante, il n'y a plus aucune évolution aux Indes. Hein, il n'y aura que il va falloir qu'on détruise les Indes à un moment donné. Quand je dis qu'on détruise, je parle au nom d'énergie, ça ne regarde pas l'être humain. Alors, ce qui arrive, c'est que la race blanche qui pullule sur la Terre n'est pas la race qui va être celle qui va engendrer la race bleue. La race blanche, c'est une race mentale, c'est une race au niveau neurologique et non pas au niveau cutané. Et elle vit en Amérique du Nord. Les quelques parcelles génétiques qui auront à naître dans d'autres pays pour des raisons d'énergie vitale et des raisons d'énergie tellurique, auront à faire une migration vers le Québec. Quelles sont ces raisons? Dans la Terre sacrée, donc dans la région, disons, du Québec, qui aura à voir naître sur sa surface l'air, la sixième race, la race bleue? Les individus qui auront à naître sur d'autres continents et sur tous les continents, sur toutes les terres, auront en eux, le schéma génétique de la race tellurique de l'endroit. Autrement dit, toi, tu viens de France. Tu viens d'une région de la France qui a vu un travail, qui a eu à faire un travail ésotérique absolument important et extraordinaire au niveau énergétique. Toi, tu viens au monde là parce que tu as dans ta cellule, dans toute ta corporalité, toutes les affinités telluriques, donc d'énergie vitale, solaire et planétaire, de cette région du globe. Et en toi va être imprégnée toute la mémoire intelligente de ce qui s'est passé dans cette région du globe. Toi, tu devras prendre un bateau ou un avion, tu devras migrer vers le Québec à un moment donné pour pouvoir venir, disons, achever ta mutation au Québec. Alors, ce qui fait que des Noirs, de toutes les religions, de toutes les nationalités, de toutes les formes de race, on recevra des affinités évolutionnaires pour permettre l'instauration de la race bleue avec intégralement tout ce qui a été intelligent dans les autres races sur tous les endroits géographiques de la planète Terre. Alors, ce qui fait qu'un noir fait partie de la race blanche, un jaune fait partie de la race blanche, et un blanc fait partie de la race blanche, un rouge fait partie de la race blanche, autant qu'un blanc ne fait pas partie de la race blanche. Ce n'est pas une question cutanée. Daniel, quand on prend la partie intellectuelle, tu as des gens que ça prend 5 ans, d'autres 10 ans, d'autres 40 ans, d'autres ne passent jamais au travers de l'intellect, ils ne réussissent jamais. Est-ce que ça fait partie d'une initiation, ça? Oui. C'est-à-dire que c'est une initiation poissonnique et non pas une initiation du Verseau. Et les individus qui, présentement, sont des mutants potentiels, c'est ceux qui ont un intellect suffisamment développé pour pouvoir, comme tu dis, passer à travers leur intellect en quelques années. Cela veut dire qu'ils ont des intellects capables de cerner toutes les nouveautés technologiques existant sur la planète Terre. Évidemment, il faut que tu en aies connaissance, mais tu as la capacité, si tu es un mutant potentiel, de pouvoir comprendre, de pouvoir cerner tous ces phénomènes-là. Autrement dit, si on prend l'un d'entre vous et qu'on l'oblige à suivre un cours d'électronique très poussé et qu'on le paie pour le suivre, qu'on le nourrit pour le suivre et qu'on lui donne un cours adéquat pour le suivre, d'ici 5 ans, il devra être électronicien. Il a la capacité mentale de le faire. Sinon, il ne fait pas partie de la race potentielle. Du moins, elle est très potentielle, sa race. Bon. Cela veut dire, évidemment, cela ne veut pas dire du moins que les individus doivent tous suivre des cours d'électronique. Cela veut simplement dire que l'individu, comme la masse, la majorité du continent nord-américain, si on l'oblige à suivre un cours, il réussit à le suivre, le cours. L'informatique, tous les enfants peuvent l'apprendre, tous les adultes peuvent l'apprendre. Il y en a qui n'ont pas l'énergie de vouloir le faire, mais si tu les obliges, ils vont être capables d'apprendre. Leur mental est approprié à ça. Ceux qui n'ont pas de mental, donc d'intellect approprié à ça, ceux-là ne pourront pas faire partie des 7 initiations dont je t'ai parlé. Parce que les 7 initiations dont on a parlé sont typiques de la race en mutation. Ce ne sont pas des initiations de la race du poisson. Eux autres en ont eu d'autres initiations. Et ces 7 initiations-là font partie, disons, les 3 initiations supérieures sont une initiation ésotérique et les 4 initiations dont je vous ai parlé au niveau inférieur sont une autre initiation ésotérique. Autrement dit, le Nazaréen qui est passé par plusieurs formes d'initiation dangereuses, les 4 initiations primaires que l'être en mutation va devoir passer et ne sont en fin de compte qu'une seule initiation par laquelle le Nazaréen est passé. Et les 3 initiations supérieures que l'élu génétique va devoir traverser en plus des 4 inférieures ne sont aussi qu'une seule initiation que le Nazaréen a dû traverser. Mais ils vont être vécus sous cette phase par la race en mutation et par la race génétique des élus. Êtes-vous un élu? Oui. La suivante, je ne sais pas si tu vas y répondre. Quels sont les 4 élus reliés à l'énergie supramentale au Québec? De toute façon, cela, je ne les ai pas nommés, c'est parce que je n'avais pas à les nommer. Et deuxièmement, il y en a 2 qui sont présentement connus dans la province de Québec, et ces 2-là, vous les connaissez. Quand on dit qu'une personne est protégée, s'agirait-il d'un ajusteur de pensée ou est-ce différent? Quand un individu est protégé par l'énergie intelligente, et non pas quand un individu est protégé par de l'énergie astrale, ou encore par une forme de protection psychologique qui est adaptée ou qui ne l'est pas, ou qui est réelle et qui ne l'est pas. Un individu protégé, c'est un individu qui a la capacité de pouvoir remplir un rôle, donc d'être manipulé dans un but donné par l'énergie supramentale. S'il a la capacité d'être manipulé, donc de remplir un rôle dans la transformation évolutive de l'homme, que ce rôle soit mauvais ou bon par rapport à la vision psychologique de l'être humain, l'individu est donc protégé par l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie va s'arranger pour que l'individu garde suffisamment longtemps la vie pour pouvoir accomplir ce que l'énergie veut qu'il accomplisse. Maintenant, une énergie qui protège un individu en voie d'évolution, en voie de mutation, ne le protégera pas continuellement. Autrement dit, si l'individu n'arrive pas à un moment donné à se parfaire suffisamment, donc à bénéficier d'une façon intelligente de la protection de l'énergie et qu'il l'épuise au lieu de vouloir s'en servir, à un moment donné, l'énergie cesse de le protéger parce que l'individu se révèle comme étant un élément non adéquat à remplir le rôle. Alors toi, tu te saoules la gueule, tu prends ton auto, tu t'en vas et tu réussis à éviter 4 accidents à cause que tu t'es endormi au volant, puis en t'endormant, tu as viré ton auto sur le bon sens. Bon, alors l'énergie te protège. Tu es un être qui peut réellement remplir un rôle en conscientisation, mais qui a un problème de par son apprentissage, par son éducation, l'alcoolisme. Alors, l'énergie te protège malgré que tu es alcoolique parce que si tu te débarrasses de l'alcoolisme, tu es un élément absolument parfait pour remplir un rôle. Et le rôle à remplir, la mission à remplir, ce n'est pas l'individu lui-même qui va se le déterminer ou qui va se le donner. Il ne le connaît pas, le rôle. Mais à un moment donné, tu as la connaissance que tu devrais arrêter de boire, tu as une énergisation suffisante pour le faire, mais tu ne le fais pas. Alors, il vient un temps où, dans un accident d'auto, tu meurs, ou tu es handicapé pour le restant de tes jours parce que l'énergie ne te protégeait plus. Alors, l'énergie, elle protège si c'est intelligent d'être fait, sinon elle t'abandonne simplement au sort que tu décides toi-même de te donner. Tu décides, disons que tu décides d'être relié à l'énergie manipulatrice de l'astral au lieu d'être relié à l'énergie manipulatrice de l'énergie supramentale. Alors, l'énergie qui protège, protège. Et laissez-moi vous dire qu'elle protège. Mais elle protège surtout l'individu qui comprend la leçon de l'énergie. Vous tentez une action quelconque et ça ne fonctionne pas. Alors, vérifiez donc si, en termes de conséquences dans l'avenir, c'est intelligent ce que vous voulez faire. Si ce ne l'est pas et que ça n'a pas fonctionné, n'attendez pas de le répéter 20 fois pour décider de changer. Parce qu'en attendant, l'énergie peut vous abandonner. Et quand on parle de l'énergie qui abandonne, elle n'abandonnera pas au niveau de la connaissance. L'ajusteur de pensée va continuer à fournir l'énergie pour vous aider à comprendre. Mais il ne fournira plus d'énergie, il ne gaspillera plus son énergie à une forme de densification de l'énergie supramentale par l'intermédiaire d'une densification de l'énergie mentale, par l'intermédiaire d'une densification de l'énergie spirituelle de l'astral sous forme d'ange gardien. Elle ne gaspillera plus de son énergie à densifier un ange gardien ou des anges gardiens autour d'un individu qui ne fait qu'épuiser l'énergie sans jamais vouloir en bénéficier. L'ange gardien est une chose qui est non seulement existentielle, mais extrêmement importante dans le développement d'un être humain sur la planète Terre. Mais l'ange gardien n'enseigne rien. Ce n'est pas la conscience de l'homme, c'est simplement une énergie protectrice, énergie qui peut disparaître ou qui peut être amplifiée selon la compréhension de l'individu par rapport à l'Esprit-Saint, au Saint-Esprit, à l'intelligence active ou à l'énergie supramentale. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, la protection disparaît si l'individu ne fait qu'épuiser l'énergie supramentale. Alors, l'énergie supramentale, donc, va continuer à amener une connaissance à l'individu, mais l'individu est de moins en moins ou n'est plus protégé par la densification supralo-mentalo-astrale de l'énergie supramentale sous forme d'ange gardien. Si l'individu, par contre, apprend, comprend, se transforme, il est de plus en plus protégé par ses anges gardiens qui verront leur nombre accroître. La mutation est-elle contagieuse? Est-ce qu'elle peut être communiquée dans quelles circonstances? La mutation est extrêmement contagieuse chez les individus qui sont voués à recevoir cette maladie. Alors, ce qui fait que si un individu est en mutation, automatiquement, il va servir de radio, il va donc rayonner l'énergie supramentale. Il va rayonner l'énergie supramentale qu'il a reçue d'une personne qui est génétiquement un élu. Rayonnant automatiquement, il va énergiser les individus qui, en potentiel, sont des individus à être conscientisés. Donc, automatiquement, il va réveiller l'extérieur. Ce qui va être le rôle de cette race d'élus génétiques qui n'aura pas à rayonner par la parole, comme tout à l'heure on a parlé, qui vont rayonner surtout par leur passage. Donc, en passant, ils vont donc rendre malades, disons, par contagion, tous les individus qui sont susceptibles d'être lancés dans une mutation. Les individus mutants vont donc rayonner, ils vont aussi faire partir la mutation chez les individus potentiellement mutants. Alors, ce n'est pas une maladie, mais c'est extrêmement contagieux. Et cette contagion s'appelle l'amour, au même titre d'ailleurs que la contagion pathologique au niveau physique. Quand un microbe vous aime, cher Daniel, si une personne a des dons psychiques, doit-elle nécessairement en faire profiter les autres? A-t-elle besoin d'une protection spéciale ou cette protection dans l'astral lui est donnée automatiquement? Être un élu ne signifierait-il pas avoir justement cette permission de communiquer avec l'invisible? Grand merci, un taureau ascendant balance. Alors, si les taureaux, il est fonceur, si les balances, il va devoir s'équilibrer. Être en contact, être en relation avec les plans invisibles. Communiquer avec l'invisible. L'invisible, c'est tout ce que l'homme ne voit pas. Et l'homme ne le voyant pas, il ne peut discerner entre l'invisible qui est bon et l'invisible qui est mauvais. Dans l'invisible qui est bon, on a de l'invisible astral et on a de l'invisible supramental. Et aussi, on a aussi de l'invisible mental. Dans l'invisible qui est malsain, on a de l'invisible astral pour l'instant. Maintenant, l'invisible astral manipule très, très, très bien dans des bons sens, d'une bonne manière, les individus jusqu'à temps qu'il les envoie promener dans des mauvais sentiers. Alors, ce qui fait que si une personne a des dons psychiques, elle ne doit pas nécessairement en faire profiter les autres. Le fait d'avoir des dons psychiques dénote simplement que vous êtes réceptif. Votre corps, vous-même, à votre naissance, à votre conception, avait été réceptif à une transformation génétique chez vos parents. Alors, cela ne veut pas dire que vous êtes plus évolué. Le fait d'être télépathe, ce n'est pas le titre de la question, mais j'en profite pareil, le fait d'être télépathe ne dénote pas une évolution. Il dénote simplement que dans la transmission génétique, vous avez reçu la possibilité qui a été développée dans vos ancêtres, la possibilité donc d'être télépathe. Le fait de pouvoir être télékinésiste, faire bouger des objets à distance, ne dénote qu'une transmission génétique, une parcelle de l'évolution génétique qui vous a été donnée parce que vous étiez réceptif à cette chose-là. Qui était réceptif? L'événement de la conception était réceptif et vous en bénéficiez. Au même titre que vous avez le nez de votre arrière-grand-père, alors vous pouvez avoir, à un moment donné, le nez, un nez différent, qui est l'assemblage de tous les nez de nos ancêtres, de vos ancêtres. Et bien, à un moment donné, vous allez être télépathe, ou voyant, ou... Bon, vous allez avoir des dons psychiques qui n'ont pas paru chez les ancêtres, mais qui sont le résultat de l'évolution ancestrale. Donc, il n'y a pas de... Disons, vous n'êtes pas plus évolué parce que vous avez des capacités psychiques. Doit-on nécessairement... Non. Nécessairement veut dire assujetti à une morale de l'astral qui oblige les individus qui possèdent à donner à ceux qui ne possèdent pas. Et cette morale de l'astral a été construite, évidemment, par ceux qui ne possèdent pas. Pour obliger ceux qui possèdent à leur donner sans qu'eux aient à travailler pour le posséder. Alors, ce qui fait que nécessairement, non. A-t-on besoin d'une protection spéciale ou cette protection dans l'astral lui est-elle donnée automatiquement? Si, évidemment, l'individu est manipulé par l'astral, par une forme morale ou hautement spirituelle de l'astral qui encline l'individu à vouloir communiquer ou à vouloir aider par ses dons psychiques, et elle reçoit une protection de l'astral spirituel. Automatiquement, elle n'a pas besoin de le demander. Mais la protection de l'astral évolue selon les lois régissant l'astral, ce qui fait qu'un jour, elle peut être autour de vous et un jour, elle peut être absente. Alors, l'astral ne protège jamais d'une façon sécuritaire l'individu, sauf s'il est dynamisé par l'énergie mentale qui aurait été dynamisée au préalable par l'énergie supramentale, donc ce qui va amener, disons, l'apparition, la densification d'un ange gardien ou de plusieurs anges gardiens. Alors, ce qui fait que l'individu qui a des dons psychiques ne doit s'en servir que pour lui-même s'il a la capacité mentale d'interpréter dans quelle région vibratoire, ses capacités psychiques vont travailler. L'individu qui est voyant, Alors, il doit savoir, lui, que les autres n'ont pas cette capacité de voyance parce que les autres n'ont pas non plus la capacité mentale de pouvoir régir la capacité de voyance. Alors, est-ce qu'ils doivent mettre leur voyance au service des autres? Alors, je les laisse réfléchir là-dessus. L'individu qui peut guérir, c'est une faculté psychique. En réalité, c'est une faculté vitale au niveau de l'énergie vitale. Alors, l'individu qui peut guérir, doit-il nécessairement guérir toutes les pathologies? Certaines pathologies sont le résultat de l'évolution chez l'homme, donc elles peuvent lui servir à comprendre des choses. Le guérir, c'est l'empêcher de comprendre et l'assujettir à une dépendance envers le guérisseur. Alors, moi, j'ai plus besoin de me tenir en santé. Toi, une fois que je suis malade, je vais te voir et tu me guéris. Bon. Alors, ce qui fait que, encore là, la personne qui peut guérir, ben, je lui laisse le loisir d'incider si elle doit guérir ou non. Quelle que soit la faculté psychique, si elle n'est pas au service d'une faculté mentale qui est presciente, donc conséquentielle, elle ne devrait pas, pour être raisonnable, à peu près ne jamais servir. Vous êtes capable de faire une régression d'âge, de fouiller dans vos vies antérieures. Mais en fouillant dans vos vies antérieures, vous allez découvrir des choses. Vous ne connaîtrez jamais la loi qui régit la réincarnation par ce mécanisme. Et ne pas connaître la loi qui régit la réincarnation, c'est se faire berner, d'augmenter son phénomène d'illusion et de dépendance, de manipulation dans l'astral. Parce que vos vies antérieures ne sont pas vos vies antérieures et jamais vous ne pourrez déterminer ou discerner si en faisant une régression d'âge, vous fouillez dans vos vies antérieures ou dans les vies antérieures d'un autre. Parce que l'homme, dans un voyage astral, fouiller dans une vie antérieure, c'est faire un voyage dans les annales akashiques, donc dans les astrales, dans les annales astrales. Cela veut dire que vous avez accès à tout ce qui est astral. Et évidemment, vous allez penser que c'est vous. Mais vous ne le savez pas. Alors, ce qui fait que le fait de se servir d'une faculté psychique n'entraîne pas la compréhension des mécanismes ou des lois régissant une faculté psychique. Alors, ce qui fait que le mettre nécessairement au service des autres... Ah, je vous laisse réfléchir là-dessus. Être un élu ne signifie-t-il pas justement avoir cette permission de communiquer avec l'invisible? Alors, être un élu, c'est simplement d'être soit en contact avec l'énergie supramentale, avec les autres énergies, mais qu'est-ce qui détermine le fait d'être un élu? C'est d'être en contact avec l'énergie supramentale et avoir la possibilité de se servir de cette énergie supramentale pour opérer une mutation neurologique dans le corps. Ou d'être un élu génétique qui vient au monde avec déjà à la naissance cette transformation neurologique qui le met immédiatement ou dans sa phase d'évolution infantile ou adolescente avec l'énergie supramentale. Là, seuls sont les élus de la sixième race. Évidemment, une personne qui est voyant ou qui est prophète ou qui fouille dans l'astral, peut trouver d'autres critères à l'électorat de la sixième race. Un élu, c'est quelqu'un qui prie Dieu. Un élu, c'est quelqu'un qui fait le bien et c'est quelqu'un qui essaie de faire aux autres ce qu'il aimerait que les autres lui fassent. Un élu, c'est quelqu'un qui suit certains commandements, en l'occurrence, aime les autres comme toi-même, et bien, essaie donc de donner aux autres ce que toi tu aimerais recevoir. Mais ces élus-là sont des élus qui vont pouvoir effectivement être appelés élus et ils vont pouvoir passer de la quatrième race mère à la cinquième race mère. Mais nous autres, ce qui nous intéresse, c'est le passage de la cinquième. passage de la cinquième à la sixième et non pas de la quatrième à la cinquième. Alors, ce qui fait que d'aller fouiller dans l'astral pour savoir quel est l'élu, cela veut dire fouiller dans les mémoires puis découvrir ce que devait être l'élu de la race atlantéenne pour pouvoir accéder à la cinquième race, la race blanche. Et si votre psychologie s'amuse à dire que ben, c'est ça l'élu, alors pour passer à la sixième race, il faut que je sois comme ça, ben non, vous êtes fait, royalement fait. Le mieux que vous pouvez faire, c'est d'évoluer au coton pour tomber dans la quatrième race, puis là, vous allez pouvoir passer à la cinquième. Cinquième qui va être détruite par ceux qui vont passer à la sixième. Alors, le fait de fouiller dans l'Antiquité, dans les traditions, dans l'astral, dans les mémoires, dans n'importe quelle forme de spiritualisation pour voir qu'est-ce que sera l'élu, c'est s'évertuer à ne pas faire partie de la race des élus. Ce qui s'est passé dans le passé, c'est passé. Et c'est mort. Et on doit laisser le passé vivre avec lui-même. Et on doit s'occuper de vivre avec le présent, avec ce qui est vivant. Ce qui est mort va s'occuper de détruire ce qui est mort. Et ce qui est vivant va s'occuper de rendre vivant ce qui vit. Alors, ce qui fait que l'élu, c'est ce qu'on a déterminé ici ce soir, c'est pas d'autre chose. Et ça ne regarde que l'individu qui est en mutation ou l'individu qui est déjà né. Question sur la réincarnation. Est-ce possible qu'une personne qui est native du poisson et qui a commencé une certaine conscientisation et qui mourrait puisse se réincarner dans un autre corps qui, lui, serait de la première race des élus? C'est évident. C'est le processus même de la mort. Quand l'individu meurt, il ne se réincarne que dans un contexte social lui permettant de pouvoir poursuivre son évolution. Maintenant, l'individu, selon les lois même, les lois régissant la réincarnation sur le plan planétaire collectif, ce qui est différent de la forme de réincarnation chez la personne qui meurt en initiation, et ce qui est différent de la forme de réincarnation d'un individu en fusion. Parce qu'il y a trois sortes de réincarnation. Et celles qui régissent la collectivité et la masse, alors l'individu qui est en phase de conscientisation et qui meurt, va évidemment voir son astralité, sa conscience, son ego, sa vitalité, sa forme physique ainsi que sa forme mentale être digérée par tout ce qui énergétiquement est similaire dans le plan planétaire pour voir la réincarnation de 15, 20, 30, 40 ou 50 individus qui seront pluralitairement représentatifs de tous les individus qui étaient en conscientisation et qui sont morts à un moment donné. Alors, ce qui fait que l'individu, donc, qui se réincarne, va se réincarner dans une ère typiquement construite par les enfants du Verseau, par la première sous-race de la sixième race mère. Alors, ce qui fait que le fait de mourir, ben, c'est pas grave. Le corps meurt, ben, tout le schéma au complet disparaît. Selon un processus de réincarnation, disons, qu'on a déjà expliqué dans une conférence, la conférence La Réincarnation, alors c'est pourquoi que je ne veux pas trop finir dessus. Et l'individu revient évidemment dans un contexte social, dans un contexte mental, j'aurais pu dire religieux ou socio-religieux, mais étant donné que c'est l'ère du Verseau maintenant qui va recevoir les nouveaux réincarnés, ce n'est pas un ère astral, c'est un ère mental. Donc, il vivra dans un contexte socio-mental qui permettra la continuation de sa conscientisation. Maintenant, il y a une chose qui est importante, c'est que l'individu qui présentement vit et qui est en conscientisation et qui meurt, et non pas qui se donne la mort, mais qui meurt, quand il va renaître, il ne sera plus en processus de conscientisation selon ce qu'on entend par conscientisation présentement, en vue de l'ère du Verseau, il sera conscientisé. Alors, l'individu qui meurt, mais qui ne se donne pas la mort, est un individu qui va renaître dans un corps qui, lui, le corps, est suffisamment prêt pour recevoir l'énergie supramentale. Donc, au cours de son enfance, il découvrira la conscientisation, il n'aura même pas passé par les initiations qu'on a parlé. Parce que ces initiations-là, on ne touche que les êtres humains qui présentement sont en conscientisation ou les êtres humains qui vivent ou qui vont naître avant l'an 2000, même s'ils sont génétiquement de la race des élus. Alors, toi, tu meurs, tu es en conscientisation. Tu meurs parce que les événements ont fait que tu avais à mourir et non pas parce que tu as manqué une des initiations d'ordre astral, d'ordre psychologique. Ton mental n'a pas su résister à la dépression, à la perdition de l'astral et ce qui a fait en sorte que tu te suicides. Si tu meurs dans un contexte normal au niveau d'évolution, tu renaîtras dans quelques 50 ans, par exemple, dans un cadre construit par les races, par la race des élus, et évidemment, le corps qui te sera donné sera un corps qui sera 10 à 20 fois plus évolué que celui que tu as présentement, un corps qui aura le système nerveux neurologique pour être immédiatement baigné d'énergie supramentale, un corps qui, à sa naissance, se verra doté d'un ajusteur de pensée. Bref, tout ce que tu n'as pas et que tu recherches, tu l'auras à ta naissance. Mais si tu te suicides, tu risques de renaître parmi les enfants qui auront à venir au monde lors des prochains conflits. Et, évidemment, tu auras à parfaire ce que tu as commencé à l'intérieur de, disons que s'il y a un apocalypse, alors naître en plein milieu d'une guerre ou de cataclysme, évidemment, ça suggère certains problèmes pour la mère et évidemment pour l'enfant. Alors, ce qui fait que les individus auront donc à parfaire certaines choses. Pourquoi? Ben, c'est exactement un peu ce mécanisme normal d'intelligence, disons, que je vais expliquer d'une façon assez terre-à-terre, mais c'est le même mécanisme, beaucoup plus évolué, qui pousse l'armée à fusiller les déserteurs. Pour gagner une guerre, on a besoin de soldats. Si tout le monde déserte, on perd la guerre. Pour obliger les soldats à rester, ils ont peur de la mort. Ils vont donc se sauver pour ne pas mourir. Tu les tues, s'ils se sauvent. Si tu les tues, s'ils se sauvent, ils vont donc comprendre qu'en se battant, ils ont au moins une chance de ne pas se faire tuer. Plus de chances que s'ils désertent. Donc, ils ne désertent pas. Donc, ils vont constituer ton armée. Donc, tu risques de gagner la guerre avec ton armée. C'est pour ça qu'on va fusiller les déserteurs en conflit. Au niveau de l'évolution, ceux qui auront à se suicider, donc les déserteurs, ceux-là auront donc à revenir et ils feront à leur naissance, ben, ils auront à apprendre énormément. Il y a plusieurs choses qu'ils vont savoir, qu'ils ont déjà compris des choses qui n'étaient pas catholiques, dans le sens ésotérique, si on peut dire. Alors, ce qui fait que l'individu donc qui se donne la mort, c'est un individu qui est assujetti à venir remplir, à venir finaliser une perfection, on pourrait presque dire une destruction de l'astral. L'énergie intelligente va se servir de tous les individus qui vont déserter, donc de ceux qui vont se donner la mort, pour les ramener dans la vie, pour pouvoir s'en servir, pour pouvoir amener l'âge de fer à son plus bas niveau. Donc, ça va être les individus qui vont être les martyrs de la finalisation du poisson. Ceux qui vont naître en pleine guerre, ceux qui vont vivre dans la dégueulasserie totale et complète. Présentement, à la télévision, et de plus en plus, j'en ai déjà parlé, puis on peut encore de plus en plus le voir, on assiste de plus en plus à des scènes qui, justement, amènent la psychologie de l'être humain qui est manipulé dans une phase de plus en plus basse. Si on regarde, disons que presque toutes les semaines, on peut citer des exemples maintenant. Si on regarde simplement aux Indes, le tournement d'avion, où ce que justement on assassine devant la caméra de télévision, des choses qui n'ont jamais été faites. Alors, c'est de plus en plus, le public collectif va pouvoir voir des choses comme ça, jusqu'à un moment donné où ce qu'il va pouvoir non seulement le voir, mais le sentir et le toucher, parce que ça va être devant lui que ça va se passer, ou encore il va y être directement impliqué. Alors, les déserteurs, et ce phénomène-là est extrêmement important, même s'il est assujetti au contrôle des forces évoluantes, de Lagarta, entre autres, et du Priori de Sion, il est extrêmement important pour l'évolution purificatrice de notre astral. Alors, on a besoin d'êtres humains qui devront souffrir comme les Juifs ont dû souffrir, qui devront passer par des phases pour amener une évolution dans la race humaine et en même temps pour pouvoir servir d'initiateur à la race des élus. Alors, il y a la première, disons, ou la cinquième initiation ou la première initiation supérieure qui regarde l'élu génétique, lui devra pouvoir traverser ces événements-là à travers tous les individus qui auront à souffrir et les pleurs et les grincements de dents, c'est ces individus-là, justement, disons qu'on va revoir un petit retour d'enfer, et ça va servir d'initiation à ceux qui font partie de la race d'élu génétique. Alors, ce qui fait que si toi tu meurs, disons, d'une belle mort, hein, si la mort c'est beau, tu meurs, disons, d'une belle mort, automatiquement, quand tu vas te réincarner, tu seras évidemment assujetti à plusieurs formes d'énergie similaires à la tienne dans ta réincarnation. Et quand tu vas te réincarner, ou quand ils vont se réincarner dans un individu, automatiquement, il sera placé dans un corps qui sera assujetti à un ajusteur de pensée qui sera, disons, en contact avec l'énergie supramentale. Si tu te donnes la mort, tu vas renaître avant l'an 2000 dans un contexte luciférien parce que celui qui se donne la mort est manipulé par sa psychologie astrale. Il ne peut donc pas renaître dans un endroit mental parce que le mental a perdu face à l'astral. Il va donc renaître dans un cadre luciférien, dans un cadre d'évolution et il servira aux intelligences supérieures pour pouvoir précipiter la guerre, le feu purificateur sur la Terre. Il servira donc d'élément parfait pour amener la destruction de la race du poisson dans lequel il fait intégralement partie parce qu'il s'est donné la mort dans l'ère du poisson. Donc, c'est là qu'il va avoir à développer, comme on disait tantôt, la troisième initiation, la volonté de vivre malgré ce qu'il voit autour de lui. Oui, alors, je ne voulais pas en parler, disons que j'en parle pas trop, mais effectivement, la troisième initiation des individus en mutation, c'est ce que tu viens de dire, mais on n'en parlera pas, alors parle-en pas plus. Donc, c'est enregistré, mais enfin, tant pis. Mais l'idée même, c'est qu'ils ont deux initiations à passer pour l'instant qui sont suffisamment dures. La troisième est trop peurante. Alors, c'est pour ça qu'on en parle. OK. Mais ça va être une astuce favorite de l'astral d'amener certaines personnes à la mort, finalement. Évidemment. Non seulement c'est une astuce favorite de l'astral, mais en plus, ça va être permis par l'intelligence. L'intelligence te protège, ce n'est pas un bon élément, la protection disparaît complètement. Et si tu meurs, tu mourras, c'est parfait. Parce qu'il y a un contingent d'individus utiles et qui devront être nécessairement, disons, massacrés, si on peut dire, pour finaliser l'âge de fer de l'âge de fer, le Kali Yoga, l'ère d'évolution planétaire. Alors, ce qui fait que tu seras protégé ou tu seras abandonné. Et l'être humain ne peut pas faire un choix psychologique pour décider s'il est protégé ou abandonné. C'est dans son action, c'est dans ce qu'il va faire qu'il va déterminer s'il y a protection ou s'il y a abus des énergies supramentales. OK. Est-ce que le comte de Saint-Germain a un rôle à jouer dans la race des élus? Si oui, lequel? D'abord. Oui, évidemment, parce que le comte de Saint-Germain est un élu. Et comme tout élu, il a un rôle à jouer. Maintenant, le comte de Saint-Germain, qui fut l'un des premiers, plus qu'élu de la race lémurienne, après le Nazaréen, le seul plus qu'élu de la race du poisson, évidemment, est le premier élu de la race du Verseau. Le Nazaréen a plusieurs fonctions. Il en a 9 à jouer sur le plan d'évolution de la planète. Dans certaines traditions, on en nomme 7. En réalité, il en a plus que 7. Au niveau de la race des élus, au niveau de l'ère du Verseau, disons que la seule, en plus évidemment des 7 autres connus, la seule dont le seul rôle, disons, que je peux divulguer, c'est qu'il est celui qui aura comme travail d'instaurer le nouveau système d'éducation pour pouvoir permettre à la collectivité, donc à la masse, de pouvoir atteindre l'ajusteur de pensée collective. OK. Puis est-ce que les événements ont un taux vibratoire différent puisqu'ils sont attirés par telle personne plutôt qu'une autre? Bon, l'événement n'est jamais attiré par un individu. Le résultat est le même, mais en réalité, c'est l'individu qui se précipite dans un événement. L'individu crée certaines choses dont il finit par magnétiser et l'attire. Encore là, une autre expression de l'amour. Maintenant, tu aimes des choses que tu n'aimes pas dans ta psychologie et tu aimes des choses que tu aimes. C'est-à-dire que tu attires à toi des événements qui te sont négatifs comme des événements qui te sont positifs. Mais quand on dit tu attires à toi, la réalité, c'est que toi, tu émets une certaine forme de vibration qui va te porter à te déplacer pour vivre des événements en relation avec l'énergie vibratoire que tu émets. Cela veut dire que vous avez sans doute déjà remarqué que le centre de l'universalité, ainsi que moi-même, nous n'avons jamais été dans votre salon. Donc, vous n'avez jamais attiré un événement. Par contre, vous vous êtes déplacé pour rejoindre un événement. Le fait que tu aies un accident en auto, tu n'as pas attiré un événement. Parce que pour attirer un événement, il fallait que l'auto que tu as frappé, que lui aussi attire le même événement. Il fallait que tous les automobilistes qui sont bloqués par le trafic causé par l'accident attirent le même événement. Il fallait que les agents de la Sûreté du Québec ou d'une police municipale, ainsi que des ambulanciers qui se déplacent vers l'appel, vers le lieu, aient aussi attiré l'événement. Non. Tu émets une vibration et toi, tu te places de par ta vibration, inconsciemment parce que l'homme est manipulé, de façon à pouvoir te déplacer subitement vers l'événement. Alors, si moi je suis sur une ambulance et que je suis à Laval et que j'entends un appel, fusillade dans le centre-ville, et il y a plusieurs mobiles ambulanciers qui se dirigent vers les lieux, moi je n'y suis pas. Et une autre journée, fusillade dans une maison, et c'est moi qui est affecté sur l'appel, j'y suis. Alors, il y a des journées où ma vibration a fait en sorte que je me suis rapporté disponible à mon répartiteur à une telle heure plutôt qu'à une autre, ce qui va faire que lui va me placer à un point d'attente plutôt qu'à un autre, parce qu'il y a ce point d'attente-là qui est vide, mais cinq minutes après, il aurait pu être comblé par une ambulance qui se libérait d'un hôpital. Alors, moi, je suis là. Ce qui fait que automatiquement une ambulance plus loin part sur un appel, moi, je suis affecté à ne pas couvrir son territoire, mais si je me serais rapporté cinq minutes avant ou plus tard, j'aurais été dans une autre région de la ville. Ce qui fait que, allant comme ça va aller, à un moment donné, je vais couvrir des appels qui sont en relation avec mon énergie vibratoire, je vais avoir un accident sur le métropolitain avec mon ambulance, mais si je me serais rapporté cinq minutes plus de bonne heure, j'aurais été affecté sur une autre région, j'aurais jamais pris le métropolitain à telle heure, ce qui fait qu'un autre véhicule ambulancier aurait eu l'accident, ou aucun véhicule ambulancier, puis il y aura peut-être, en tout cas, etc. Alors, ce qui fait que toi, tu te déplaces vers les événements, mais les événements ne se déplacent jamais vers toi. Et les événements vont pouvoir être créés s'il y a suffisamment d'individus qui se placent en relation avec une possibilité potentielle d'un événement. Et si tous les éléments sont placés et propices à, automatiquement, l'événement s'accomplit. Ce qui fait qu'à un moment donné, certains individus vont devoir se réunir dans les régions du Québec, comme ça s'est fait dans toutes les aires évolutionnaires planétaires. Certains individus doivent se réunir pour pouvoir créer un événement. Créer un événement, obliger une descente d'énergie supplémentaire plus puissante, parce que le temps est venu. Le temps est venu, à un moment donné, dans une région particulière du Québec, il va y avoir une descente plus massive d'énergie supplémentaire qui va réveiller plusieurs. Mais qui va réveiller seulement ceux qui seront présents dans l'endroit géographique. Alors, tous les individus en affinité avec cet appel, à un moment donné, vont devoir se déplacer vers l'événement. Et si suffisamment d'individus se déplacent vers l'événement aura lieu. S'il n'y a pas suffisamment d'individus, l'événement n'aura pas lieu, même si l'événement était potentiellement possible. Alors, donc, on n'est pas attiré. C'est-à-dire qu'on n'attire pas des événements à nous, mais on se déplace vers l'événement. Et ça, tu te déplaces selon tout l'état vibratoire que tu dégages. L'état vibratoire physique, peut t'attirer dans un accident d'auto. Tu es malade, tu es fatigué, tu es en train de digérer, tu es sous l'effet de l'alcool, ou etc. L'état vibratoire vital, l'état vibratoire psychologique, donc astral, l'état vibratoire mental, celui qui peut raisonner les choses. Alors, disons, cette relation d'énergie-là va faire en sorte que tu deviennes dynamo. Mais une dynamo qui attire à lui, mais qui est suffisamment légère pour ne pas réussir à déplacer quelque chose que ce soit. Ce qui fait que tu attires, mais l'événement étant beaucoup plus pesant que toi, l'événement ne se déplace pas vers toi, tu vas te déplacer vers l'événement. Alors l'individu qui vit des événements, c'est un individu qui se garoche tête baissée dans les événements. Et l'individu qui réfléchit avant de prendre son auto s'il n'est pas en état, ou s'il y a une grosse tempête de neige, il n'y a pas ses pneus d'été, il n'y a pas cet univers, l'individu qui réfléchit émet donc une énergie mentale autour de lui, qui va l'attirer dans une autre forme d'événement que s'il n'aurait pas réfléchi. Donc, il peut éviter un accident. Et tous les phénomènes, disons, de la psychologie mêlée à l'énergie mentale, mêlée à l'énergie vitale et à l'énergie physique, vont faire en sorte que toi, tu vas te précipiter tête baissée dans un événement. C'est une autre, disons, là, c'est une autre définition de la manipulation. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu fais ce qui se passe. L'homme s'explique des choses, ce qui l'amène à être indulgent envers lui-même. Est-ce le début de la souffrance, de sa souffrance? Bon, l'être qui est indulgent envers lui-même doit vérifier si son indulgence, elle est mentale ou non. Début de la souffrance, oui, parce que si vous avez suffisamment de potentiel mental pour arriver à savoir qu'une chose que vous faites est bien et qu'une autre chose que vous faites est mal, et que vous êtes indulgent envers vous, donc vous pouvez vous permettre de faire des choses mal, que vous savez mal, alors à la longue, veut pas, cette connaissance va engendrer la création d'un concept dans votre psychologie, vous allez lentement développer un phénomène de culpabilité envers vous-même, même en étant indulgent, au niveau souffrance psychologique, ben alors vous vous garochez dedans, encore là, à fond de train. Si vous êtes indulgent, c'est que votre mental s'adapte. Et si votre mental s'adapte, vous êtes en voie de perdition. L'énergie psychologique de l'individu, on l'a déjà vu aussi à une conférence, je ne me souviens plus laquelle, les états de choc, je crois. Si la psychologie astrale de l'individu ne s'adapte pas à un événement, elle souffre. Il se passe quelque chose, puis vous auriez voulu qu'il se passe d'autres choses. La psychologie de l'astral ne s'adapte pas. Elle va souffrir. Mais l'énergie mentale ne doit jamais s'adapter. Jamais. Si l'énergie mentale ne s'adapte pas, ce qui est réel restera réel et ce qui est illusoire restera illusoire. Et seul le mental peut discerner. Quand on dit que vous devez avoir le discernement entre l'énergie mentale et l'énergie astrale, en réalité, ce qu'on veut qui se développe chez l'être humain, c'est l'énergie mentale tout court. Et l'énergie mentale est la seule chose, la seule faculté qui ne peut pas ou qui ne devrait pas s'adapter. Si elle s'adapte, elle est diplomate. Alors, tu me comptes une menterie, mais en fin de compte, ben, je peux toujours la prendre parce qu'il y a des bourribes de vérité dedans, ce qui fait qu'en fin de compte, ben, ça a un peu de sens, ce qui fait que tu es en train de te faire carrément illusionner par le phénomène. Il y a des choses véridiques, prends-les. Tout le reste, c'est pas véridique, rejette-les. Le mental ne doit jamais s'adapter. Tu fais quelque chose pour ta santé qui n'est pas bien, ton mental le sait, il ne doit pas s'adapter. Il doit refuser que l'être humain fasse quelque chose de pas correct. La psychologie doit s'adapter, jamais le mental. Si la psychologie est indulgente pour elle-même, on s'en fout. C'est la base de l'évolution du mental, mais ce n'est pas le processus de l'évolution du mental. Mais si le mental est indulgent pour lui-même, ça, c'est le processus d'évolution du mental. Alors, il faut placer l'indulgence où elle doit être. L'autre question sur la crise d'adolescence. Pourrais-tu expliquer la différence entre les deux crises d'adolescence, soit celle conventionnelle et celle dont tu parles tantôt? Ou est-ce que cela est trop individuel pour être expliqué? Merci. Disons que c'est extrêmement individuel, mais si on regarde la crise d'adolescence conventionnelle, disons que comprendront ceux qui pourront ou ceux qui voudront réfléchir, ce serait trop long à expliquer en détail. La crise d'adolescence conventionnelle amène l'individu, l'enfant, à un moment donné, à se libérer de toutes les manipulations dues à sa réincarnation, donc à sa naissance. Donc, il amène à se libérer de toutes les manipulations de l'astral de ses parents. Il amène aussi à se libérer de toute la manipulation ressemblant à l'astral de ses parents. Donc, manipulation des professeurs, la relation astrale des professeurs, de tous ceux qui peuvent avoir une connotation parent-éducateur. Il va abandonner ça pour se relier à une astralité de groupe qui va avec son énergie, donc son âge. Donc, disons, on pourrait dire la génération qui l'a vu naître. L'adolescence conventionnelle va donc se relier à cette forme, il va suivre un genre de mode et il va être manipulé totalement et complètement par l'astral collectif de la masse qui peut s'adapter à cette génération. Alors, si on regarde à un moment donné les modes des jeunes, les coupes de cheveux, la graisse à clous d'un cheveu, plus bon ça, le bricrime, en tout cas, bon. Tous les phénomènes de vêtements, si on regarde aujourd'hui, c'est plus du bricrime qui se met, hein, c'est de l'huile à moteur, puis enfin différentes choses. Alors disons que l'adolescence normale va se relier à un groupe d'astral collectif où il va être manipulé de A à Z. Tout ce qui... Alors, c'est pas nécessaire qu'il ait les cheveux coupés en Iroquois, mais il va se relier à un groupe. Alors, il y a différents groupes. Mais tout ce qui est émis par quelconque extérieur et qui est accepté par un du groupe, tout le groupe va l'accepter. Alors, ce qui fait que si à un moment donné, je me mets des chaînes, à un moment donné, tout le groupe va se mettre des chaînes et tous les autres groupes en affinité vibratoire astrale avec mon groupe vont aussi se porter des chaînes. Si je décide de me promener en auto-décapotable, bien, à un moment donné, tu vas avoir plein de jeunes dans la même affinité en auto-décapotable. Et un autre genre de groupe d'une adolescence normale se promène en moto, tu vas avoir plein en moto, etc., etc. L'adolescent qui, lui, est, disons, anormal par rapport à l'ère du poisson, celui qui vivra donc une adolescence différente, non conventionnelle, ne sera jamais assujetti à une collectivité de groupe de ce genre-là. Il sera plutôt un individu à se refouler chez lui-même et à ne pas être assujetti à aucune astralité refoulante non plus. Parce que tu as des groupes qui se refoulent, mais ils sont manipulés au même titre que ceux qui sont motards ou que ceux qui portent certaines modes, ou etc. Bon. Tu as un individu qui est solitaire, mais qui n'est pas dépressif, qui est capable, malgré qu'il est solitaire, de continuer à se développer. Il va pas devenir adulte plus rapidement, non pas en perfection, mais il va donner l'apparence en Christie. Alors lui vit donc une adolescence qui est non conventionnelle, une adolescence de recherche qu'il va faire lui-même, une adolescence où il a besoin très très souvent d'être seul, mais quand il est seul, ce n'est pas pour écouter de la musique. Si tu écoutes de la musique, tu es manipulé par l'astral collectif de la communauté qui écoute le même genre de musique. Non, il va être tout seul à travailler sur des choses qui ne vont pas avec un enfant normal. Et évidemment, il est plus intelligent que normalement. Alors, ça serait, disons, le genre d'adolescence non conventionnelle. Normalement, l'enfant qui vit l'adolescence non conventionnelle, même s'il n'est pas compris de la société conventionnelle, sera un enfant non violent. Et pas non-violent par des concepts, non-violent par rayonnement. Et évidemment, c'est un adolescent ou un enfant ou un futur adulte, un pré-adulte, qui est assujetti à être exploité au maximum par l'extérieur. Un jour, il va le découvrir. Et là, il peut virer dans le dangereux ou dans le correct. Parce qu'on a déjà parlé aussi dans les états de choc, de ces enfants-là qui pouvaient être assujettis à devenir ceux qui vont servir de piliers pour empêcher l'évolution et l'instauration de la sixième race, comparativement aux mêmes enfants qui vont devenir les piliers de la sixième race. Présentement, ils peuvent avoir des parents biologiques là, qui sont tout à fait normaux, finalement. C'est-à-dire que des parents, dans leur conscience, qui sont tout à fait normaux, dans leur biologie, non, parce qu'ils ont permis l'engendrement d'enfants anormaux, d'enfants évolués. Dans leur psychologie, oui. OK. Une autre question à propos des personnes que les quatre personnes t'ont parlé comme antennes, mais pas individualisées, là. Vous semblez assimiler ces antennes à des orateurs, donc à une fonction d'écoute plus ou moins passive. Que reste-t-il du travail sur le corps, sur le souffle, les arts martiaux, etc.? Vous parlez d'intelligence sans mentionner sagesse, et cela m'apparaît trop mécanique. Pourriez-vous développer brièvement? Bon, c'est le temps que tu me la poses. Alors, voilà. Les orateurs ne peuvent, ne permettent pour l'instant que la diffusion d'énergie supramentale chez les autres. Maintenant, les autres doivent se servir de cette énergie supramentale-là pour pouvoir commencer un travail dans leur corps physique, dans leur vital, dans leur astral, dans leur mental, pour pouvoir arriver à raffiner suffisamment leur corps pour opérer une mutation neurologique, pour arriver à être en relation avec l'ajusteur de pensée collectif. Alors, ce qui fait que ce n'est pas parce qu'un individu passivement assiste. Il n'assiste pas passivement. Il est beaucoup plus actif qu'il peut penser. Mais dans sa conscience, il est passif. Mais dans la neurologie, dans sa corporalité, il est extrêmement actif. Alors, ce qui fait que l'individu doit se servir de l'énergie pour, après ça, appliquer dans le domaine de la matière tout ce qui doit être appliqué parce que mentalement, c'est intelligent que ce soit appliqué. C'est pas juste d'écouter l'orateur. C'est la forme de communication de l'énergie supplémentaire à la collectivité. Mais ce n'est pas le seul chemin. C'est-à-dire ce n'est pas le seul mécanisme qui va permettre la transformation. C'est le premier. Les autres doivent être absolument opérés. Le travail physique, le travail vital, etc. Alors, ce qui fait que... Et puis pour la sagesse... L'homme sage est un homme intelligent, conséquentiel. Et le sage qui répète la sagesse des autres, c'est un sage qui est fou. C'est un sage qui ne veut même pas vérifier. Alors l'individu qui est intelligent est automatiquement sage. Pourquoi parler de sagesse? OK, merci bien de votre bonne attention. Si vous ne voulez pas quitter tout de suite, Jacques, je pense qu'il y a un petit mot à vous dire par rapport à Noël.